Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission de démocratie participative, saison numéro 2, épisode numéro 16. Déjà, ça passe vite. Alors, avant de commencer cette émission, rappel rituel, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, sur notre boîte de messages liée à la page démocratie participative. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre boîte email, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@mail.ru, je répète, démocratie participative@mail.ru, pas d'accent sur démocratie et pas d'espace ou de point entre démocratie et participative. Suivez-nous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous recevez les alertes des nouvelles émissions. Et suivez-nous enfin sur démocratieparticipative.biz, B-I-Z, notre site internet qui traite de l'actualité et qui diffuse aussi les émissions sur un ton, somme toute, assez peu politiquement correct. J'ai en tout cas le sentiment que c'est le cas. Alors... Oui, je veux juste dire un truc, ne pleurnichez pas trop si on ne répond pas à vos messages immédiatement. Il faut savoir qu'on reçoit quand même beaucoup de messages. Et que, alors je ne sais pas pour les autres, mais on est quand même pas mal occupé, donc on fait ce qu'on peut, on essaye, mais on reçoit beaucoup, beaucoup de courriers. Hein. Voilà. Et on paye nos impôts et on travaille. Salut. Tu es un bon goy, c'est bien, continue comme ça, tu es sur la voie de la rédemption. Alors, je présente, bon déjà en fait ils se sont présentés pratiquement d'eux-mêmes. Je présente nos participants de la semaine, bien qu'ils aient commencé à le faire eux-mêmes. Sans transition, avec Frédéric Danlévier qui est en Hongrie, il soulève de la fonte, il bouffe de la calorie, il fait des prises Arnold, il est chaud. Comment ça va, cher Frédéric Danlévier? Toujours en prise de calories, là? Toujours en plein dedans, et d'ailleurs je continue à faire des vidéos pour continuer à traiter les Français de connards et à leur dire que il ferait mieux de, je ne sais quoi, faire la révolution, de dégager, je ne sais pas, mais bon, je ne manque pas d'idées, il n'y a pas de problème. D'accord, avec tes lunettes, tes biceps, ça pousse? Oui, ça va très bien ensemble. Les photos avec les Maghrébins, ouais? Alors, je sais pas en ce moment si j'en sors beaucoup, mais toujours moyen d'obtenir des autographes, des photos dédicacées, tout ça, pas de problème. D'accord, super, nickel. J'enchaîne avec Derek qui est participant pilier de l'émission, Derek. Alors, est-ce que tu as la banane, Derek, la pêche? Est-ce que tu as Lugger? Je suis en pointe là, pour lutter contre le fascisme. Là, j'en peux plus. C'est bon, t'es recruté. Ça y est. Espagne 1936 avec Derek en direct. Extra. Invraisemblable mais vrai. J'enchaîne avec Porovic. Salut Porovic, la pêche? Ouais, bah shalom aikum à tous. On sent la pêche là. Voilà, le mec il a. Oh putain, cette adrénaline, hein, j'en reviens pas. C'est Marine Le Pen qui te fait cet effet là ou... Ouais, c'est ça. Ah bah dis donc, c'est dommage quand même, aux portes du pouvoir, non, t'as même pas une demi-molle quoi, putain. Bon bah c'est pas grave, on va pas te forcer, hein. Si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça, c'est comme à la cantine, tu vois. Alors, Fulbert, salut Fulbert, comment ça va Fulbert? Bonjour Gandalf, bonjour à tout le monde, bon, tout va très bien comme d'habitude, je le sens bien, il y a du bon vent, tout va bien. Est-ce que les drapeaux à croix flottent ou ne flottent pas par chez toi? Ah non, pour l'instant, on a des envoyés spéciaux qui viennent de France, qui sont à mon avis des gens républicains, qui viennent parler aux journaux, faire chier ceux qui les lisent, parce qu'ils n'ont qu'un discours à la bouche, c'est Macron, Macron, Macron. D'accord. Ah, ça doit être intéressant, ça, parce qu'en Belgique, vous avez une monarchie, hein. Et donc en Belgique, on défend quand même la République française, c'est intéressant. C'est pas nouveau, non, mais non, c'est intéressant. On la critique, puisque dans les articles, on soutient Macron, comme la presse française, c'est dans la même ligne. Mais par contre, ceux qui commentent les articles, eux, ils vont tout à fait dans l'autre sens. Hein. On dirait que ces élections sont un révélateur qui les décide. Intéressant. Enchaînons avec Captain America. Salut Captain, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va bien Gandalf. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux participants. J'aime toujours aussi peu le FN, Marine Le Pen, les homosexuels, les femmes, les enfants, les animaux et en avant les nègres. Ouais, t'as décidé d'être rassembleur pour ce deuxième tour, c'est bien. Une approche que j'encourage aussi. Ouais, non, il faut y aller là. Et MacDav, salut MacDav, comment vas-tu MacDav ? Ben, ça va très bien, mais je suis quand même un petit peu déçu parce que j'avais acheté des pièges à Castor, j'avais préparé ma 22, et les Castors ne se montrent pas. Je pensais qu'ils allaient pulluler dans les rues. Je pensais immigrer aux États-Unis puis vendre les pots de Castor, mais je ne sais pas, ils sont pas là. On ne sait pas où ils sont, c'est peut-être la météo, il n'y a rien. Les Castors qui font un barrage au Front National, c'est ça ? Ouais, effectivement. Il n'y en a que dans la haute, mais... Dans la vraie vie, in real life, comme disent les geeks, il n'y en a pas, j'en trouve pas. Et pourtant, je vis dans une réserve, c'est étonnant. C'est peut-être pas très courageux, hein, après tout, je sais pas bien, hein, à voir. Ah, attends, on va attendre le deuxième tour, on verra bien ce qui va se passer. Ouais, puis on va voir le 1er mai, là, et je crois qu'il nous prépare peut-être quelque chose. Oh non, le 1er mai, putain. Ah, ils vont me faire caca partout. Hein. Ça m'a toujours fasciné, ça, le 1er mai. Alors, le 1er mai, fait du travail, il n'y a personne qui bosse. Ça, c'est fascinant, ça, comme truc. C'est un jour férié communiste, hein, il faut le savoir. Oui, socialo-communiste. Comme le jour de la femme, je crois qu'on avait l'occasion de parler dans l'émission. Oui. Et puis d'inspiration judéo-communiste. Bon, on aura l'occasion d'y revenir abondamment, vous allez voir. Alors, avant de commencer avec notre rubrique traditionnelle, débriefing de commentaires. Alors là, il y avait un commentaire qui était pas mal, intéressant, pertinent, bien senti, vous allez voir. Je pense que vous allez tous l'aimer, en fait. Et je vais demander l'avis à nos participants, voir ce qu'ils en pensent. Alors, je cite, hein, texto. « Bande de guignols, les homos ne vous ont rien fait. Ils ne vous menacent pas et ne sont pas un risque pour vous. Ils vous laissent même des femmes. C'est pas parce qu'il y a trois homos déglingos vus à la télé, ça change rien. » C'est exactement comme pour les juifs, et je ne suis ni juif, ni homo. Je m'abstiendrai de tout commentaire, et je donnerai la parole à Frédéric dans l'évier. Alors Fred, entre deux mouvements là sur le bench press, là, qu'est-ce que tu nous dis ? Bah déjà, je constate donc cette nouvelle stratégie que j'avais jamais remarquée, de la part des PD, alors ça doit être un nouveau talking point. C'est-à-dire que les homos, maintenant, c'est cool parce qu'ils nous laissent des femmes, quoi. Alors, bon. Maintenant, pour être un petit peu plus sérieux, pour les gens que ça intéresse, aux États-Unis, comme il y a encore quelques chrétiens qui sont vraiment croyants, y compris des chrétiens assez fondamentalistes, etc., hein, des gens un petit peu remontés, eh ben, il y a des études, il y a des livres qui sont écrits sur le sujet de l'homosexualité, et l'homosexualité liée à, l'abus des enfants, aux abus sexuels, les enfants qui sont élevés par des couples homosexuels, parce que ça existe quand même depuis un petit moment maintenant dans certains États, il y a des études qui ont été faites, etc. Et si ça vous intéresse, vous pouvez, alors je ne sais pas si je pourrais vous donner des références exactes, mais il y a des statistiques qui sont faites là-dessus, et notamment... on sait aux États-Unis que les homosexuels représentent à peu près un peu moins de 3% de la population, mais 40% des cas d'abus d'enfants. C'est-à-dire dans 40% des cas d'abus d'enfants, c'est le fait d'un homosexuel ou d'un couple homosexuel. Donc c'est un petit peu une surreprésentation, hein, comme d'autres communautés peuvent être surreprésentées dans d'autres domaines. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais pour la pédophilie, parce que c'est quelque chose dont les gens parlent quand même beaucoup, hein, enfin, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler, et a priori, la pédophilie, il n'y a pas de raison, enfin, c'est le phénomène donc pour des adultes d'être attirés par des enfants donc prépubères, de vouloir se les taper, ce qui est absolument dégueulasse. Mais ça ne présuppose pas en soi que ça soit un rapport homosexuel. Or, quand on voit les cas de pédophilie avérés, etc., très souvent, il s'avère que ce sont des hommes qui s'intéressent à des petits garçons. Et encore une fois, les homosexuels sont très représentés là-dedans. Donc si on s'intéresse à toutes ces statistiques, bon, alors ça c'est sans compter, ça c'est sur les abus sur les enfants, mais c'est sans compter tout ce qui est maladie sexuellement transmissible, enfin tout le lifestyle, n'est-ce pas, hein, pour parler franglais, de cette communauté. Franchement, tout ça est à mettre allègrement au four, sans arrière-pensée, et ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à se reprocher, je leur recommanderais quand même d'aller consulter, alors je ne sais pas s'il faut aller voir des psychiatres, des psychologues, mais il y a quelque chose à faire, hein. Bon... C'est une maladie mentale, hein. Je crois qu'on peut revenir, d'ailleurs, ça a été défini comme une maladie mentale, je crois, jusqu'à la fin des années 70 aux États-Unis. Bah, c'est-à-dire jusqu'à ce que les communistes prennent le pouvoir. Exactement. Donc non, les homosexuels au four, oui, moi c'est tout ce que j'en pense. Et si vous vous intéressez sérieusement au sujet, que vous faites vous bûcher les statistiques qui sont disponibles sur le rapport entre homosexualité et tout un tas de déviances qui sont associées, parce que ça ne va pas... Le problème, c'est que les déviances vont souvent de pair, quoi. C'est-à-dire qu'elles adorent la compagnie, hein, puisque c'est une déviance sexuelle qui n'est pas utile à la reproduction, à la pérennité de l'espèce. Et malheureusement, voilà, c'est pas juste je suis homosexuel. Souvent, c'est je suis homosexuel et j'encule des gosses. Je suis homosexuel et voilà, il y a toujours des choses qui vont un petit peu avec, hein. Enfin, souvent. Et je suis flic, je suis PD et j'accueille des migrants, quoi. Hein ? Lol. Ouais, par exemple. Ouais. Faut voir là ce qu'il y a eu aux États-Unis. Je crois que c'était cette semaine où t'as eu tout un troupeau là de folles, hein, qui sont allés devant la Maison Blanche pour protester pour une histoire de chiottes des transsexuels. Enfin bref, ça dormir debout le truc. Et qui fait donc t'avais les LGBT qui faisaient du twerk, fait voilà, et que fait voilà, pour protester, tu vois. Donc c'est alors c'est, du twerk, explique, rappelle à ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire, c'est l'expression la plus aboutie de la culture nègre, c'est-à-dire agiter son cul, voilà, de manière comme un nègre. Ouais, comme un nègre, quoi. C'est et donc ils étaient là et puis ils faisaient du bruit. Non, mais c'est... T'avais tout un troupeau, là, c'est effectivement, hein, ça relève de la psychiatrie, hein, ce genre de choses. Ou, effectivement, du four. Ouais, du four je pense que ça relève du four. Hein. Donc, pour revenir à ce que disait dans l'évier, j'invite les auditeurs à se renseigner sur le NAMBLA, le North American Boy Lover Association. C'est un club de pédophiles bien implanté aux USA qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui est très influent. Et à l'époque de la manif pour tous, moi je disais aux gens autour de moi que après la GPA, la PMA, ça serait la pédophilie qui serait mise en avant par ces gens-là, hein, donc par les homos et leur soutien marxiste culturel en fait. Et qu'est-ce qu'on a vu ces derniers temps dans les magazines genre Slate, Vice et compagnie? On a assisté à un commencement de dédiabolisation de la pédophilie. Les gens expliquaient, vous comprenez, c'est pas de leur faute, ils sont victimes de leur pulsion sexuelle, ce sont pas des monstres, il faut les comprendre, il faut les accepter, patati patata. Voilà. Il y avait un article mémorable dont le titre était, je crois, oui, je suis un pédophile, mais c'est vous les monstres. Oui, c'est Vice, sur Vice. Vice, oui, Vice qui porte très bien son nom et qui est financé par on sait qui, hein. Hein, voilà. Non, bon. Alors, notre avocat des Costardus n'est pas là, enfin, notre Astérix, hein. Donc moi, je vais défendre les PD. Alors, attention, hein. Tu vas défendre les PD. Alors, oula, ça paraît prometteur, ça. Ouais. Oui, parce qu'il faudrait bien de fuir. Hein. Disons que l'homosexualité, c'est une sexualité marginale, déviante, hein, très clairement. Donc, moi, je suis pour les laisser en vie. Mais dans des... Et quand ils ont besoin d'aller en société pour faire leurs courses ou pour travailler, parce qu'il faut quand même qu'ils soient utiles à la société, on doit porter un triangle rose. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était le quart d'heure défense des PD. Ouais, bah, t'es là. Non, mais c'est la version plus ouverte, quoi. Oui. Ouais. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est sur la question des homosexuels. Je pense, enfin, je vais le voir en fait d'un point de vue purement politique et purement social, et sans m'attarder sur les questions morales ou même les questions, je vais le dire, les désordres dont vous avez parlé, quoi. En fait, les PD ont un comportement de minorité, exactement comme les Roms, comme les Juifs, comme les musulmans, etc. Donc ces gens se regroupent entre eux. Mais là où ça devient extrêmement gênant, c'est que c'est comment dire, ce n'est pas un groupe racial, c'est pas un groupe religieux, c'est pas un groupe politique évidemment. Donc ce sont des gens qui sont unis. C'est une coterie. Ce sont des gens qui sont unis par l'anus. Voilà. En tout cas pour les hommes. Et ces gens sont unis par une pratique sexuelle, mais ça a une telle force d'attraction chez eux que ça conditionne tout, y compris la psychologie, y compris la psychologie sociale. Donc ces gens se regroupent en bandes et essayent de prendre le pouvoir parce que c'est comme ça qu'ils se sentent à l'aise. Si ça vous rappelle quelque chose, vous avez raison de le penser. Donc, quand vous voyez un PD arriver quelque part, la ségrégation n'est pas un choix, c'est une obligation de survie. Vous n'avez pas affaire à une entité qui va être gentille avec vous. Ce sont des gens qui, pour le plaisir, le bonheur, le bien-être de leur déviance sexuelle, de leur anus, vont évincer tout ce qui n'est pas homosexuel. Et vous devez... D'autant plus qu'ils se reconnaissent entre eux sans parler. Oui. Ça, c'est... Donc c'est vous devez fait, absolument... C'est pas identifiable. Hein. C'est-à-dire que, bon, il y a quelques œils avertis qui les repèrent à leurs yeux de truite morte, comme dirait quelqu'un d'entre nous. Mais ils se cooptent quasiment automatiquement. Donc, il faut absolument écarter les homosexuels de tout fonctionnement politique. Et c'est pas une question de morale pour commencer, c'est une question de bon sens pratique. Et quiconque défend l'homosexualité est lui-même un asocial. C'est-à-dire que c'est une minorité qui se regroupe et qui défend ensuite ses intérêts sexuels, de perversion sexuelle, toujours, en tout cas très souvent, aux dépens de la majorité hétérosexuelle qui a besoin de fonctionner pour se reproduire, pour assurer la pérennité de la société. Donc c'est un groupe qui est un groupe, au final, concurrent, qui prend de la place, qui va défendre ses intérêts et qui va toujours plus ou moins foutre la merde dans... l'organisation de la famille, etc., etc. Donc, avis aux amateurs, voilà, si vous avez d'autres commentaires à la con à faire sur l'homosexualité pour la promouvoir, vous êtes tombé sur la mauvaise crèmerie. Hein. Faut aller voir le Parti Socialiste, hein, où il y a des pédales... Ou sur les Juifs. Oui, voilà, il y a des pédales, il y en a tout le tour du ventre. Vous allez à Guélib, vous allez au Parti Communiste, là, vous serez bien reçu. Vous n'allez pas voir les gens qui sont ouvertement pas intéressés par ces conneries-là. En fait, c'est des mecs, ils ont cru que voilà, on est plutôt sympathique avec les nazis, donc ils ont cru qu'eux, ils étaient des spartiates, qu'ils aimaient bien les beaux muscles huilés, etc. C'est vrai que Frédéric dans l'évier, bon voilà, hein, ça peut porter à confusion par moment, mais non les gars, non, c'est pas non. Non. C'est pas chez nous, là. Non. Les pédales ont un très faible espérance de vie dans un monde gouverné par nos principes. C'est absolument clair. Bon, on peut commencer... La gauche de démocratie participative est pour la ségrégation, voilà. Pour le port du triangle rose, voilà. Et la droite est pour l'extermination claire. Non, j'ai pas parlé d'extermination, j'ai pas parlé de violence, j'ai dit qu'ils avaient simplement une espérance de vie très faible, liée probablement d'ailleurs... En premier chef, par leur mode au de sida. Voilà. Saint-Sida, prions pour lui. Ah oui, là, parce qu'il faut préciser qu'effectivement, hein, une société gouvernée par nos principes, vous attrapez le sida, particulièrement par des rapports homosexuels, déviants, etc. Alors là, vous pouvez toujours vous brosser pour vous faire rembourser quoi que ce soit, les mecs. Hein, démerdez-vous. Par contre, un aller simple vers l'Afrique, c'est parfaitement négociable. Ça, c'est... pas de problème. C'est ouvert. Alors, rubrique numéro 1, les gars, autisme radical. Commençons quand même cette émission de pied ferme. Sujet numéro 1, sur le parvis de la Défense, il aboie contre le Front National. Je vous propose d'écouter tout de suite cette performance inédite, inouïe et, je dois le dire, très bien réussie de la part de cet artiste. On se retrouve tout de suite. Alors, chers camarades, qu'est-ce que cette protestation canine vous inspire au pied de la Défense, hein, qu'est-ce que ça vous dit? Ben, je crois que le tourisme va en bénéficier. Hein. On voit qu'un Chinois là, qui prend des photos, il y a une métèque aussi qui a l'air très intéressée. Il y a un homme à chapeau qui mime, il fait « wouf, wouf » aussi. Oui, oui, il y en a un qui se joint à la performance, là. Non, mais le pire, c'est que le... Bon, là, j'ai explosé de rire, hein, bon, blague à part. Mais il va faire ça à la Défense, quoi. Il va lutter contre le Front National à la Défense. Alors, s'il était allé lutter contre Macron à la Défense, j'aurais bien voulu, tu vois, parce que c'est là que tu as toutes les sièges sociaux du CAC 40, quoi. Mais là ça a carrément aucun sens, le type est... bon déjà le mec aboie dans la rue comme ça, il est débile, mais alors le faire à la Défense c'est pousser l'absurde jusqu'au bout. La gauche est très peu familière avec l'absurde, je sais pas si t'étais au courant, mais Ah non, mais là c'est à faire c'est du UNESCO, quoi. Ouais, je trouve que ça représente quand même bien la France, quoi. Je veux dire, c'est la France jusqu'au bout, voilà, tu veux pousser jusqu'au bout du raisonnement, bah tu vas aboyer contre le Front National, c'est... La France à fond, tu vois, la France poussée à fond, tu aboies sur un parvis devant des Chinois qui prennent des photos. Exact. Tu peux pas comprendre, Gandalf, ça c'est une performance artistique. Tu n'as pas les codes pour comprendre la subtilité du message et sa profondeur. Du coup, j'ai pas compris, alors du coup j'aimerais comprendre, c'est quoi le message qu'il a véhiculé le mec, là? Bah ouais, voilà. Ouais, d'accord. Bah, personne n'a rien compris, moi le premier. Bon, bah ça va, je m'en sors pas trop mal. Tu vois, quand je vois un type pareil, je suis d'accord avec Cathali. C'est-à-dire que l'euthanasie, pour certaines personnes passer un certain stade, ça peut être une bonne solution. En fait, lui, il parlait de l'âge, d'ailleurs, je pense qu'il a révisé sa copie. Parce qu'il il est plus à la limite. Il a atteint l'âge, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, tu vois, en fond, il y a un mélange de bolos sortis, des bourges sortis de je sais pas où, des métèques, un nègre qui comprend rien à ce qui se passe. Il y a une vieille, oui, ça doit être le... Ah non, mais c'est juste affolant, quoi. T'as une vieille avec son chapeau rouge en train de filmer... Ah non, mais c'est... Oh là là, fou. Ouais, djihadiste, si vous nous écoutez, ça sert à rien de gaspiller des bombes à la Défense. Hein. Voilà, hein. Vous êtes en territoire conquis, là. C'est... Enfin, conquis à vos risques et périls, hein. Mais bon. Quoique, je crois qu'il n'y a pas une histoire entre les musulmans et les chiens, non? Je crois que les musulmans n'aiment pas les chiens. Ils n'aiment pas les chiens, mais je vois pas le rapport. Ouais, mais c'est quelque pas, part, tu vois. Si on devient un pays de clébards et qu'on aboie, peut-être qu'il n'en ment pas. Peut-être. Non, mais vraiment, je comprends rien de son truc. Quelque part, tu vois, que les Blancs aboient comme des chiens, ça. Ils nous qualifient de chiens, donc c'est... Enfin bon, c'était une performance tout à fait intéressante, ça valait le coup d'être noté. Ah, donc oui. La résistance antifasciste. Alors que le Parti National Socialiste est de retour, est aux portes du pouvoir en France, un homme s'est dressé et a imité un chien. Place de la Défense, ça sera rappelé dans les manuels scolaires, comment dirais-je, Mamadou, Karim, et Nourdine qui apprendront en 2072 l'histoire de France, l'histoire de France, hein, comme il se doit. Après, bien évidemment, la dernière défaite du fascisme. Alors, dans 60 ans, on va faire un thème, rentrera au Panthéon. Hein. Ouais, on va faire un timbre à son effigie, tu vois, une belle lithographie, ça va être magnifique. À résister, j'ai déjà le truc, tu vois, à résister. Il était Charlie, putain. Là, mais bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais bon, il y aurait des choses à dire. Sujet numéro 2, chers amis, Italie, elle achète un bébé à une Rome et le rend après avoir découvert qu'il était métisse. Une belle histoire d'amour, une belle histoire d'empathie interraciale, chers amis. Donc une Italienne de 35 ans a simulé une grossesse et acheté à 20 000 euros le bébé qu'une jeune Roumaine venait de mettre au monde. Pour le rendre 3 jours plus tard, parce que la fillette était métisse, rapporte samedi la presse italienne. Les deux femmes et un Marocain ayant servi d'intermédiaire ont été arrêtés. Donc il y a deux femmes, enfin la Roumaine, l'Italienne, un Marocain, ça voilà. Les enquêteurs avaient été alertés par un agent d'état civil de Latina, donc c'est une ville au sud de Rome, auquel les deux femmes avaient demandé en février par téléphone comment enregistrer un bébé né à la maison, mais elle ne s'était pas présentée au rendez-vous. Lorsque les policiers sont venus lui demander des explications, la fausse mère a avoué « Son compagnon était en prison, elle venait de subir 2 fausses couches et avait acheté sur internet des ventres en latex pour simuler une grossesse. En découvrant l'enfant métisse, elle n'avait pas trouvé comment expliquer cette couleur de peau à son entourage. La mère biologique a à son tour expliqué qu'elle n'avait pas souhaité garder la fillette née d'une courte relation avec un Malien. » Avec un Malien. C'est d'ailleurs chez ce dernier que travaille comme médiateur culturel, à Rome, que les policiers ont retrouvé l'enfant. Le bébé a été confié à des religieuses communistes en vue d'une adoption, mais pourrait retourner chez son père biologique, donc le nègre, si ce dernier choisit de la reconnaître. Alors, on va pas s'étendre 1000 ans, mais enfin bon, là, on a quand même un truc symptomatique. C'est scabreux. Un jour, on... Ouais. Un jour, on pourrait en faire un film, en fait, tu vois, un peu en mode D'Amato et tout, zombie, là, ce serait racial, enfin, apocalypse raciale, quoi. Quand la Rome n'est pas assez raciste, tape un nègre et file la métisse à une blanche qui, in fine, la confie à des bonnes sœurs qui vont la refourguer à un couple de blancs. Voilà. Je crois qu'on peut pas tomber plus bas, quoi. C'est pas mal, hein. Parce que j'ai pas bien compris, c'est le nègre a engrossé une Rome, c'est ça? Alors, le nègre a engraissé une Rome qui revendait, comme font les Roms souvent, revendait le rejeton dégueulasse à des peincus de blancs, généralement de la bourgeoisie de gauche, mais elle s'est tricard parce qu'en fait, elle a filé l'info à la police parce que, voilà, il y a eu une embrouille pendant le processus et ils sont venus enquêter, ils ont voilà quoi, c'est tout un truc quoi. Et ça serait un véritable conte de fées si les religieuses arrivent à refourguer la gamine à un couple d'homosexuels. LOL. Imagine le gamin. Mais ouais, à moitié Rome, à moitié Malien. Ouais, ouais. Ça serait. Ben ouais, le gosse, il pourrait être prétendant au mariage avec le nouveau gosse, la café Léa Salamé avec Glucksmann. Ça ferait une espèce d'antéchrist. Oh, la poubelle génétique, sans déconner, quoi. La poubelle génétique. C'est ça. Oh, mon Dieu, putain. Et puis ça se voit d'autant plus que tout le monde le veut, le bébé, quoi. Je veux dire, le nègre, il en veut pas, la roumaine, elle en veut pas, la gonzesse qui voulait adopter, elle en veut pas non plus, personne en veut, quoi. Il y a quelqu'un qui en veut, ce sont les bonnes sœurs. Les métis, non, c'est temporaire, c'est pour la refiler à quelqu'un. Les pubs, hein. Ouais, mais qui voudra leur prendre le truc. Bah c'est là que Porovitch est arrivé avec la solution miracle, un couple de PD. Ah, c'est vrai. C'est pas con. Bon, ok, donc une utilité finalement au couple homosexuel, nous débarrasser des enfants nègres à l'adoption, mais bon, il y aurait d'autres solutions pour s'en débarrasser. Je veux dire, on a besoin de faire de la recherche sur des cellules souches, voilà. Hein. Pourquoi se faire chier? Oh putain, enfin bon, c'est un conte de fées, comme tu l'as bien dit, Derek, j'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai pas pu m'empêcher de vous faire part de ce moment d'humanité, d'empathie, d'humanisme. L'humain d'abord. faut le rappeler. Alors, sujet numéro 3, chers amis, des propos haineux forcent le démantèlement d'une installation artistique à l'université de Victoria au Canada. Alors ça, c'est une histoire absolument extraordinaire. J'ai pas pu m'empêcher de la partager avec vous, parce que j'ai trouvé ça, évidemment, progressiste, j'ai trouvé ça avant-gardiste, j'ai trouvé ça marxiste, et je me suis dit que ça plairait à nos auditeurs, bien sûr, et puis que ça vous plairait à vous aussi. Alors, plongez avec moi dans ce récit d'une expérience universitaire inédite, avec des résultats d'ailleurs tout aussi inédits, je dois bien le dire. Un mur d'art interactif au campus de l'Université de Victoria visant à engager la conversation sur le racisme a été démantelé quelques jours après son installation à cause de nombreux propos haineux inscrits dessus. Le projet était une initiative d'un groupe étudiant faisant partie de la Société des étudiants de l'Université de Victoria. Third Space, voilà. Le mur blanc d'une dimension de 6 mètres sur 2 mètres a été installé le 15 mars à l'extérieur, à un endroit fréquenté par les étudiants. Dessus, on pouvait y lire « Comment contester la suprématie blanche ?» Point d'interrogation. Le groupe invitait les étudiants à inscrire leur opinion sur le mur. Donc en gros, comment abattre le Canada blanc créé par les blancs, hein. Je resitue dans le contexte, quoi. Le but, alors ça c'est Dixit, l'article que je cite, qui est de la Radio-Canada, donc la radio d'État canadienne qui, vous allez le voir, n'est pas du tout orientée et n'a pas du tout de sympathie communiste. Le but était d'engager la conversation sur le racisme, une discussion qui n'existe pas du tout jusqu'à présent, en rejoignant les étudiants qui ne sont peut-être pas sensibilisés à cette question, explique Daphné Shahed du groupe Third Space. Le mur a rapidement été rempli de commentaires de toutes sortes, certains antiracistes, et d'autres xénophobes. On a vu de tout, dont les vies noires comptent, donc Black Lives Matter, évidemment, vous connaissez ce slogan, toutes les vies comptent, donc All Lives Matter, des messages disant que le racisme inversé est réel, des messages qui nient l'existence du racisme, plusieurs signes de swastika, oh, des blancs ont réagi, je ne sais pas pourquoi, indique Daphné Shahed. Le mur a été repeint en blanc, donc après l'expérience, mais les propos haineux ont continué d'affluer. Pour cette raison, et parce qu'il était impossible de surveiller l'installation en tout temps, l'association en question, ainsi que l'administration de l'université, ont décidé de démanteler le mur le 17 mars, quelques jours après son installation. Certaines personnes ont voulu utiliser le mur comme plateforme de haine, indique Alisha Flipsé, qu'est-ce que c'est que ces noms-là, directrice intérimaire des relations avec l'université et du rayonnement de l'association en question. Le président et vice-recteur de l'université de Victoria a également publié un communiqué jeudi, près d'une semaine après le démantèlement du mur, pour réitérer que le racisme et la discrimination n'avaient pas leur place dans le campus. Voilà, alors ça donc, expérience en direct, université canadienne. Qui veut réagir là-dessus pour commencer? Je vous ai dit, c'est assez riche comme histoire. Donc vous avez compris, hein, donc la lutte contre le racisme au Canada, sur l'université canadienne, est présentée par la radio d'État canadienne. Ça consiste à dire comment abattons la suprématie blanche. Ça, c'est la lutte antiraciste. Et les réactions haineuses, c'est quand vous protestez. Voilà. Alors, qui veut réagir là-dessus? Moi, je me pose la question... Est-ce que le fait que le mur soit blanc, ça risque pas un peu de perpétuer la suprématie blanche? Est-ce qu'il faudrait pas mieux mettre un mur noir? Je sais pas, ça, il faudra poser la question aux organisateurs. J'ai pas réfléchi à cette question. Je suis pas l'auteur de l'initiative, je vais mal le dire. Mais ouais, je sais pas bien. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que cette tentative là infructueuse, encore une fois, de nous bassiner avec ce racisme qui n'existe pas, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, je pense que ce qu'il faut relever, c'est bien de noter qu'ils identifient le racisme à ce qu'ils désignent comme la suprématie blanche, c'est-à-dire le fait que les Blancs soient majoritaires au Canada. Il faut bien comprendre ça. Oui, c'est ça. Si les Blancs sont majoritaires au Canada, ce qui est un fait démographique, pour eux, c'est du racisme. Donc comment faire pour mettre un terme à ça? Oui, mais pour moi, ça n'existe pas, puisque personne ne dit que le Dalai Lama est raciste quand il dit que le Tibet doit être au Tibétain et non pas au Chinois Han. Donc, pour ça que je dis que le racisme n'existe pas. Oui, effectivement. C'est-à-dire que les non-blancs ont le droit d'avoir des pays pour eux, parce que par exemple, personne ne dirait qu'un Algérien est raciste parce qu'il dit que l'Algérie doit appartenir aux Algériens. Mais effectivement, quand c'est nous, effectivement, on est des racistes et des suprémacistes. En fait, non, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça a été déjoué par les mecs de 4chan? Non. Non? Il n'y a pas eu des relais sur 4chan par rapport à ça? Parce que cette J'ai histoire-là, pas elle me fait souvenir, peut-être penser. que si, mais j'ai pas souvenir. Ok, parce que cette histoire me fait penser à ce qui s'est passé avec le mur, la caméra de Chia Labeouf, là, qu'il avait Chie le posté. bœuf. Chia Labeouf, Chie ouais. du bœuf, ouais. Qui avait mis une caméra qui était online, enfin qui streamait en fait H24 sur le parvis d'un musée. Et en fait, les gens devaient se, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, les gens devaient se pointer là-bas en disant He will not divide us. Il ne nous divisera pas. Hein, c'était par rapport à l'élection de Trump. Et en fait, suite. La publication de l'activisme de Shia LaBeouf sur 4chan, en fait, qui est donc un site parodique de trolls qui aime troller les gens au départ sur Internet et maintenant même IRL dans la vraie vie, Shia LaBeouf a été obligé d'arrêter ce streaming parce qu'il y avait tant de supporters, soit de Trump, et pas que des blancs, hein, parce que tu avais même des latinos qui étaient en mode nazi, quoi. Là. En fait, ça a démontré. Tu as démontré que l'activisme en fait des gens de ce bord-là avait vraiment un impact en démolissant les initiatives des gauchias, quoi. Et donc c'est pour ça que je me demande si c'est pas lié. Bah non, j'ai pas vu de réaction de ce genre. Qui veut Bah réagir? je vois sur le mur une des inscriptions, c'est Invoice Mexico, c'est-à-dire envoyer la facture au Mexique, quoi. Donc, Je pense qu'il y a des trolls. Non, mais c'est très possible que ça ait été relayé. Moi, j'ai pas suivi cette affaire-là, mais c'est très possible que ça ait été relayé plus ou moins sur 4chan et qu'il y ait des gens dans le secteur qui soient allés troller là-dessus. Hein. C'est évident. Bah, ça serait souhaitable parce que bon. Mais alors je pense qu'on va y revenir pour la suite. Comment dire? C'est que le programme, pour ceux qui l'auraient pas compris, ceux qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas encore suivi ou n'ont pas totalement perçu la finalité, c'est que d'abord ça va arriver en France, l'histoire de la suprématie blanche, inévitablement, par les universités évidemment, puisque c'est le cœur du. Ce sont les tumeurs cancéreuses du problème, c'est évident. C'est pour ça que je pense que la lutte doit commencer sur l'université en fait. À titre personnel, je pense que c'est là que ça doit. Il faut commencer la lutte là-bas. Ceux qui nous écoutent, si vous êtes des étudiants, vous avez. Mais les gars, il va falloir les troller. Mais méchamment, il va se passer, je pense, des choses sur le site internet, vous allez voir. Mais il va falloir aller très méchamment les troller sur les campus français parce que ça va prendre par là. Et qu'est-ce que je veux dire? Faut bien comprendre que l'époque où on disait c'est pas bien d'être raciste et de dire du mal de Mohamed ou de Mamadou, ça, c'est l'antiracisme. À papy et mamie des années 80. La prochaine étape de l'antiracisme, entre guillemets, qui, comme le dit le mot d'ordre, antiracisme est un, comment dire, un code word, c'est quoi? Un C'est nom. un mot de passe, Un quoi. antiraciste est un nom de code pour anti-blanc. Ouais, un nom de code pour anti-blanc, c'est exactement ça. En fait, la prochaine étape, c'est de dire, voilà, les blancs n'ont aucune légitimité particulière en France. Et ils n'en ont pas plus en Allemagne, ils n'en ont pas plus en Hollande et en Europe. Et ils vont dire, vous n'en avez pas, d'autant plus que si vous pensez le contraire, vous êtes des nazis. Vous voyez, c'est la rhétorique va être extrêmement simpliste, brutale, et ça vous dit où on va, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, l'ennemi nous dit, et va nous dire en Europe, là ils le disent pas qu'en Amérique du Nord, hein. Là c'est Canada, mais ça va arriver. Ils vont nous dire, voilà. Soit vous acceptez que les blancs deviennent minorité en France, par exemple, voilà, vous êtes en minorité, parce que vous n'avez pas de droit particulier ici, pour commencer, et si vous refusez, vous êtes des nazis. Donc vous avez le choix entre être un nazi et survivre, ou être une minorité consentante, devenir une minorité consentante, et être le larbin des bamboulas, des nègres, des juifs, des musulmans, des pédales, je vous en passe, et des meilleurs. Et évidemment de la gauche, partout tout ça. Donc, c'est un avertissement en fait, ce truc. Évidemment, là, ça prend la forme un peu cocasse d'un happening et tout en mode, mais c'est pas anodin. Je veux dire, au Canada, dans une grande université, on pose la question, comment se débarrasser des blancs? D'ailleurs, ils vont même plus loin, c'est-à-dire ils ont des solutions. Je vois, pour donner un petit peu situé hein, Radio-Canada, vous voyez sur la page qui concerne cette affaire, vous avez à lire aussi, donc en lien, combattre le racisme avec des fleurs, alors jusque-là, hein, tout va bien, c'est normal, ça va. Et porter des turbans pour lutter contre le racisme. Alors, il n'y a pas la prochaine étape qui est en fait se convertir à l'islam pour lutter contre le racisme. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fait, on est au cœur du sujet, donc je dis à tous ceux qui nous écoutent, vous ne pourrez pas vous en sortir avec juste l'argument facile qu'aujourd'hui le Front National utilise, et même qu'une partie de gens qui sont conscients de ces questions-là, notamment à droite, qui disent « Oui, mais tu comprends, je ne suis pas raciste, parce qu'on s'en fout. » Parce que c'est pas... comment dirais-je ? L'ennemi en a rien à foutre de la façon dont tu essayes d'échapper au tir. Ils ont décrété que t'étais un blanc, ils ont décrété que t'étais un ennemi, c'est une guerre raciale, ils veulent t'éliminer. Alors, plus ils sont nombreux, plus ils deviennent agressifs, plus ils en parlent ouvertement, en fait. Au Canada, aux États-Unis, c'est ouvert. C'est-à-dire que si vous avez envie d'être choqué, vous intéressez un peu aux médias anglo-américains, notamment, surtout aux États-Unis, vous écoutez vraiment ce qui se dit aux États-Unis, les mecs sont ouverts à propos du truc. Ils disent, voilà, les blancs, ils doivent disparaître aux États-Unis. C'est un programme. Pourquoi ils le font ? Bah, ils sont 40% de non-blancs aux États-Unis. Donc maintenant, les mecs se sentent en confiance. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire le lien entre la progression démographique et les conséquences politiques, l'évolution du discours politique, vous n'avez rien compris du match. Et nos ennemis, et vous en France, vous qui êtes... même si vous dites on a encore à l'ère de SOS racisme, où les gens, vous comprenez, ils sont encore sur la défensive. C'est ça que je veux dire. Tous les organes antiracistes, la gauche, les minorités racistes, pour la plupart, à l'exception du Parti des Indigènes, de Buttigieg et compagnie, à l'exception de ces gens-là, tous sont dans un discours défensif. C'est-à-dire qu'il faut se défendre du racisme blanc. Ça, c'est la première étape. La prochaine étape, c'est l'offensive. C'est-à-dire que vous, les blancs, vous n'avez plus rien à foutre ici. Ça, c'est les indigènes. Les indigènes, pour l'instant, tout le monde les prend pour des guignols, des mecs un peu originaux, des tarés, qui font pas la pluie et le beau temps, etc. Ces gens... Ils vous disent votre futur. C'est-à-dire que dans les grandes villes françaises, pour commencer, ensuite dans les villes moyennes, on vous dira, voilà, t'es un Français, donc blanc d'origine, tu dégages. C'est pas ta place ici. Ici, c'est chez nous. Tu te casses. Donc imprimez bien ce qui se passe là-bas. Donc j'ai utilisé ce happening donc, dans un endroit important, puisque c'est là où on forme les esprits, notamment les esprits des halogènes. C'est là où on leur inculque le programme politique. Vous avez vu ce qui se passe au Canada, ça va se passer en France. Donc, oubliez le truc, on va être gentil, on va être des gens patriotes, voilà, machin truc, voilà, on va tous aimer le drapeau tricolore. Non, c'est une guerre raciale, on va vous éliminer. Sauf si vous résistez. Voilà. Donc, ça se passe déjà, en fait. Il y a 2 ou 3 ans, je crois, il y avait eu une manifestation de plusieurs dizaines de milliers d'Africains et peut-être d'Arabes avec. Il disait, alors là, c'était juste par rapport aux vêtements, mais par exemple, il y avait des slogans, c'était « Nous demander, nous habiller à l'occidental, en fait, c'est du néocolonialisme. C'est déjà, en fait, vous êtes déjà en tort quand vous nous demandez de prendre votre culture. » C'est-à-dire que, bon, l'assimilation, elle est finie, effectivement, c'est une guerre raciale, mais on est sur cette rhétorique-là, c'est-à-dire que ce sont des populations qui s'installent chez nous et qui ne vont prendre ni notre culture, d'ailleurs, j'ai envie de dire tant mieux, mais qui vont nous remplacer. C'est ce qui s'était aussi passé lorsqu'il y avait eu l'artiste hein, subventionné par l'État qui avait fait cette fresque à Paris et qui avait été détruite par une première personne au départ, et puis terminée par Electre. Oui. C'était une fresque dans laquelle il y avait une femme avec des atours, en fait, je me demande si c'était pas Jeanne d'Arc, des atours royalistes, enfin, il y avait des symboles très français. Le slogan était « Les Françaises aux Africains ». Et en fait, il faut bien comprendre que si ce qui se passe actuellement n'est pas arrêté, on se retrouvera dans la situation de Haïti. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... les blancs réduits à l'état de minorité dans leur propre terre, en fait, et non pas seulement en France, mais à travers toute l'Europe et tous les pays que nous avons construits il y a de cela plusieurs siècles, hein, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, où c'est déjà le cas, ou les États-Unis, ou l'Australie, un jour, il y aura il y aura carrément le génocide des Blancs aura atteint son paroxysme et sera fait non pas par des programmes politiques et sociaux, mais sera fait par la machette ou la balle. Et aussi également par le choix laissé seulement aux femmes d'accepter de devenir la mère de mulâtres. Et c'est pour ça que je parlais de Haïti, parce que les gens ne le savent peut-être pas. Moi, c'est un des faits historiques qui m'a réveillé racialement, parce qu'avant, j'étais un patriote saucisson pinard et la race, pour moi, n'était pas très importante. C'est-à-dire qu'à Haïti, lorsque les nègres marrons, donc les esclaves qui s'étaient échappés, sont revenus en force et en fait et ont renversé le pouvoir français là-bas, donc après la Révolution française, hein, les hommes étaient systématiquement tués et les femmes étaient tuées, sauf si elles acceptaient de devenir la compagne d'un nègre et donc d'enfanter un mulâtre. Voilà. Encore un génocide de blanc totalement caché par l'histoire officielle. Ouais, c'est très curieux parce que pourtant les nègres en Haïti étaient vraiment les indigènes. Ah ben non. Alors, on va passer à un autre sujet avec notre ami Derek qui veut nous parler d'une anecdote, hein, une anecdote niçoise. Salade niçoise, ça pourrait être comme rubrique. Vas-y, Derek, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Oui, avec de l'huile d'olive meilleur Habib. Hein, dedans, voilà. Première donc, pression, c'est... première pression, troisième pression quoi. Ça, ouais, 100% vierge, mais ouais, pas trop peut-être. Hein. Donc oui, c'est, je vous parlais de Patrick Amoyel. Alors c'est qui ce Zozio ? C'est directeur d'études freudiennes à l'université de Sofia Antipolis. Donc déjà, une étude freudienne, ça sent pas bon. Hein. Amoyel, ouais, pour ceux qui se demandent. Ça nous vient tout droit de l'Algérie, hein, c'est du juif séfarade de 100%. Donc ce Patrick Amoyel, qu'est-ce qu'il a fait de spécial ? Il était chargé hein, par l'État, et il avait remporté un appel d'offres l'année dernière, lui et son institut donc, qu'il dirige, pour la formation des personnels d'État en matière de lutte contre la radicalisation, donc radicalisation islamiste. Hein. Et il avait été aussi nommé par Gilles Clavreul, qui lui aussi, dans la maman hein, de Gilles Clavreul, porte le nom de Diamantis. Hein. Il avait été nommé délégué, nommé au conseil scientifique destiné à développer des programmes de formation pour les actes publics, privés, confrontés à la problématique du racisme, blablabla. Voilà. Donc le mec travaille avec l'État, il a des contrats à coût de millions d'euros, il est nommé à des postes où les mecs se réunissent pour toucher 100 000 euros dès qu'ils font une signature sur un papier. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette semaine, il a été arrêté, ce brave juif, pour avoir violé une de ses patientes, hein, puisque le type est psychanalyste, une de ses patientes qui était mineure hein, à l'époque, hein, qui avait 16 ans. Et donc, alors, en plus, bon, on s'est dit, peut-être qu'il a nié, il a fait quelque chose. Non, le juif à Moyel, tu vois, dans toute sa route spa, hein, comme dirait Hervé Ryssen, a dit, oui, bah, c'est arrivé, mais c'était des gestes qui avaient un caractère thérapeutique. Hein, voilà. c'est merveilleux. C'était un viol gentil, quoi. Ouais, non, mais c'était pour son bien. Pour la guérir, c'est pour la guérir, voilà. Et pour le coup, donc le mec maintenant et du coup, est accusé de viol. Et pour le coup, vu qu'il n'est pas médecin, il prescrivait, si vous voulez, sa bite comme remède. Il est aussi poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Voilà, en tout cas, les amitiés de Gilles Clavreul, ça nous fait des jolis lots. Oh là là, quel beau conte de fées. Merci. Oui. Hein. Oh là là, merci. C'est... Bon, bah, du coup, on c'était là. On voit quand même que l'entreprise, là, la déradicalisation en France, là, c'est quelque chose de sérieux. Non, mais il y a du pognon. Hein. Je crois qu'il y avait Dounia Bouzard là, qui envoyait des terroristes dans des hôtels de luxe. Voilà, c'était la thérapie, c'était d'envoyer des bougnoules dans des hôtels de luxe. Et lui, bon, bah, lui, c'est. Sous la supervision de. Oui, bah pareil, c'est la Dilkra, Gilles Clavreul, là, toujours le même. Hein. Mais Dounia Bouzard, là, c'était une arabe, là, en l'occurrence. Et donc, à chaque fois, c'était des millions. Quoi. Ça marche pas, ça sert à rien, hein, les trucs. Il n'y a aucun résultat. dès qu'ils font des cellules là, de déradicalisation, au bout d'un mois, en général, il y a un garde qui s'est fait poignarder. Donc, ouais, voilà, c'est la France qui veut faire triompher les valeurs de la République. Enfin, en tout cas, je note hein, le côté le juif qui viole et le viol à caractère thérapeutique. Quand même. Ouais. Non, mais ça va loin, hein. C'est bien. Bah, c'est-à-dire, en fait, oui, c'est-à-dire qu'en fait, le crime n'est pas un crime, c'est un bienfait. Mais ça toujours de l'audace, disait un fameux révolutionnaire. Mais ça peut marcher dans l'autre sens aussi, hein. C'est-à-dire qu'un bienfait peut être un crime, peut passer pour un crime aussi quelque part, vous voyez. Je sais pas si. Ah ouais. Certaines personnes à qui on a fait beaucoup de dans l'histoire, hein, dont l'image sera peut-être réhabilitée bientôt. Allons savoir. Alors, bah, troisième rubrique, après cette pause, et dernière avant la pause, la négresse de la semaine. Il nous en faut une. C'est une mulâtre, en fait. C'est une mulâtre, mais vous allez voir où je vais en venir. Je cite un article du Monde, hein, quand même. À 10 jours du second tour de l'élection présidentielle, la chaîne d'info CNews, groupe Canal+, a décidé de suspendre d'antenne, jusqu'au 7 mai, sa présentatrice Audrey Poulvard, pour avoir signé une pétition féministe contre Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron, apprend-on jeudi 27 avril. Cette décision a été prise au nom de la déontologie et de la nécessité d'un devoir de réserve des journalistes qui ne doivent pas préciser pour qui ils votent, a fait valoir CNews. La signature de la présentatrice, qui anime le dimanche sur CNews Le Grand Rendez-vous et l'émission politique Le Grand Journal de la Présidentielle, avait été critiquée sur Twitter par Florian Philippot, vice-président du Front National, estimant qu'elle soulevait un vrai problème d'impartialité. Donc, la négresse a reçu une gifle dans la gueule de la part de son patron Bolloré, ça lui a fait bizarre, visiblement. Hein. Qui veut rebondir sur cette histoire? C'est la première fois que je vois une journaliste comme ça, enfin une journaliste, une pute, spécialiste de la propagande, remise à sa place pour avoir fait le tapin pour la gauche, en fait. Alors, c'est pas ça, en fait, c'est juste que s'ils font pas ça, ces news, ils se font taper sur les doigts par le CSA. Ça m'étonnerait, puisque le CSA, de toute façon, est une organisation criminelle pilotée par l'État socialiste. Oui, d'accord, mais bon, si elle signe une pétition, donc forcément, le temps de parole d'Audrey Poulvard est décompté du temps de parole du candidat Macron. Ouais, mais ça change rien, parce qu'elle a signé une pétition, donc il n'y a pas de temps de parole. Il n'y a pas de temps de parole. Si, donc elle fait partie de l'équipe, c'est comme si elle faisait partie de l'équipe de campagne Macron, donc quand elle parle, ça devrait... Vu qu'il y a cette pétition-là qui a été signée, ça doit être décompté du temps de parole de Macron. J'ai pas vu de plainte de la part du camp de Macron. Même le Front National n'a pas déposé plainte formellement. Il a protesté verbalement, mais n'a pas déposé plainte. Il n'y a pas de plainte. La rédaction en question a pris les devants. Quoi, pour éviter justement qu'il y ait des trucs comme ça. D'accord, en tout cas... Moi, je vois ça comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, il y a eu un vaste hurlement, commencé par Bernard-Henri Lévy, hein, qui a hurlé... Il a dit en ces temps de péril fasciste, bon, il n'a pas utilisé le mot fasciste, mais il a dit en ces temps de péril, il a dit, comment dirais-je, l'impartialité n'était plus de mise. Il a dit, il faut arrêter de déconner quand même. Là, on sera impartial quand on risque rien, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand les élections. Encore un juif. Hein. Oui, c'est curieux. Elle est vraiment moche, hein, Audrey Poulvard, hein, je crois qu'il faut le dire. Ouais, en fait, elle a une tête difforme, beaucoup plus grosse que le reste du corps, d'ailleurs. Et elle a des hublots aussi, je sais pas pourquoi. Elle s'est fait greffer des hublots aussi, je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, et puis si vous regardez les photos, il y a des photos avec ses cheveux naturels et tout. Elle a les traits du visage très assez masculins, très assez sévères, quoi. La forme de la tête. Le métissage, ça s'appelle. Ah non, mais oui, non, mais c'est vraiment, c'est ça. Et en plus, tu disais pute tout à l'heure, mais putain, il y a des photos, on dirait vraiment une pute, quoi. Hein, Ah bon, bref. L'ancienne de Montebourg et de tant d'autres. De Barouin aussi. Ah ouais, tout le monde est passé dessus, quoi, en fait. Ouais, Harry Potter est passé dessus, tout le monde est passé dessus, quoi, tu vois, je veux dire. Et après, tu sais, Barouin, porte-parole de la droite dure, tu sais, les mecs qui couchent avec des journalistes nègres de gauche dégueulasses, tu vois. C'est magnifique, quoi, ils sont là. Fils oui, de... C'est quoi, enfin, Barouin, il a une tête de gamin de 12 ans, je sais pas quel âge il a, mais c'est n'importe c'est quoi. C'est quoi, son père qui était le boss du Grand Orient, non? Si, c'était un grand maître du Grand Orient de France, ouais. Ouais, voilà. Mort dans un accident louche, dans des règlements de compte, pas possible. Ouais. Non, non, mais Barouin, effectivement, le représentant de la droite dure, qui baisse son froc à Macron. Bah, il doit être homosexuel aussi, je pense. Je n'ai pas d'autre explication. Bah, il baisse pas son froc. Bah non, il se tape une négresse. C'est le fils d'un grand maître du Grand Orient. Le mec a toujours été de gauche. Comme tout le parti gaulliste qui est un parti d'enculé. Depuis l'origine, je veux dire, c'est absolument pas nouveau. Je veux dire, ces gens sont des gens de gauche qui adhèrent à toutes les valeurs de la gauche, la gauche la plus dégueulasse, et simplement, ils font semblant aux élections d'être de droite pour faire voter la bourgeoisie la plus bête du monde. Ouais, non, mais je suis bien d'accord avec toi, mais je te confirme que la gauche locale est persuadée que François Baroin est un homme de droite. Oui, de droite dure. Au niveau du gauchisme. Droite dure, hein, clairement. Lui, on le voit déjà en chemise brune, hein, Baroin. Ah, mon Dieu. Bon, bah, on fait une pause musicale et on se retrouve pour discuter de l'actualité la plus récente, qui est celle du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et puis voilà, hein, petite pause musicale. Et à tout de suite. Sie sollen sich hüten! Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestoppt werden! Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de l'épisode numéro 16 de notre deuxième saison de démocratie participative, consacrée à l'élection présidentielle et à ses récents développements extrêmement intéressants, je dois le dire. On a vu des gens de tous horizons surgir et se prendre position, etc. Comme vous le savez, Marine Le Pen est qualifiée pour le deuxième tour des élections, en deuxième position à 21,3% contre Emmanuel Macron à 24%. Alors, premier épisode, bon, je passe sur l'épisode de la rotonde avec l'histoire là, du restaurant, etc. Ou, bon, si quelqu'un a envie de peut-être de dire quelque chose là-dessus, là, où on voit Macron ouais, avec... Ouais. Ça fait quand même son petit effet, c'est-à-dire que même les journalistes se sont dit, mais attends, lui, il croit qu'il a déjà gagné, c'est quoi ce bordel? Bah, il avait la gueule d'un mec qui avait gagné au loto, hein. Il était triomphant, ah, il avait gagné. Hein. Il y avait même Attali. Ouais, hein, avait... Non, attends, je suis désolé, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Enfin, comme il a dit, bon après il a été maladroit, parce qu'il a répondu aux journalistes sur un ton. Genre, je fais une fête avec mes collaborateurs, tu sais, t'avais tous les mecs du showbiz et tout. Ouais, non. Dans un restaurant où il y a des vitres en plus. Hein. Oui. Non, mais on s'en fout, tu vois, il a du pognon, il bouge dans des bons restos. C'est assez normal, quoi. Il n'y a que les abrutis que ça choque. D'accord, ok. En tout cas, il enchaîne ensuite avec... Enfin, c'est Marine Le Pen qui enchaîne le mardi avec un déplacement à l'usine Whirlpool, près d'Amiens, dans la région des Hauts-de-France. Alors, Marine Le Pen, leader du nouveau Parti communiste français, je le rappelle. Non, c'est évidemment du Front National. Elle se déplace là-bas et elle va parler de la question des délocalisations des entreprises vers, comment dirais-je, vers les pays de l'Est. Ouais, elle y va pendant que Macron, lui, discute avec les classiques voilà, les représentants syndicaux, etc. Donc elle va à la Chambre de commerce, hein. Voilà, oui, à la Chambre de commerce, ouais, à la CCI, effectivement. Donc elle rencontre sur le terrain les ouvriers, elle est accueillie triomphalement, on peut le dire, séance photo, etc. Enfin bon, elle était en terrain conquis. Visiblement, les gens de Macron le découvrent, et en urgence, on a Macron qui déboule sur place, qui essaye en fait de, comment dire, de rattraper le retard, et là, c'est un accueil chaotique, avec des Marine Le Pen présidente, etc., etc. C'était un désastre. Quelqu'un... tiens, j'ai envie... MacDav, là, qu'est-ce que cette séquence t'a inspiré? Bah, écoute, ouais, c'est normal. C'est-à-dire que, bon, quand tu as un petit peu travaillé dans l'industrie, tu sais très bien qu'en fait, bon, globalement, les gens votent front. Globalement, parce qu'ils en ont marre des bougnoules, hein, c'est... Quand t'es ouvrier, généralement, tu te confrontes parce que tu n'as pas la possibilité d'aller dans les beaux quartiers. Tu te confrontes aux masses immigrées. Et si tu ne le fais pas directement chez toi, tu le fais autrement. Hein. Enfin, tu peux le faire parce que la ville voisine est totalement envahie ou autre. Donc il y a absolument rien d'étonnant. Et moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est que la mère Le Pen a une forme d'intelligence sociale et émotionnelle qui fait que les ouvriers l'aiment bien. Ils aiment bien, en fait, elle a un côté un peu matrone, quoi, un peu patronne de bar, ouais. qui écoute les gens. Elle a vraiment de l'empathie. Et Macron, il se pointe les narcs par tous les pores de sa peau. Ouais. Dire, tu vois un mec comme Macron arriver dans un atelier, les mecs se font huer. Quand je dis ça, je suis très sérieux. Hein. Un mec comme ça qui rentre dans une forge ou dans un atelier, il peut se faire lyncher, hein. Pour de vrai, les mecs le huent et ils y vont franchouille, hein. C'est faut voir ce que c'est. Donc il est con, je veux dire, il est très très con, je veux dire, que rien que par son habillement, c'est des trucs qu'à pas faire. Je veux dire, n'importe quel contremaître sait qu'il faut pas faire débouler une huile dans son atelier en costard cravate, ça ne se fait pas. Mais bon, il est con. Ouais, effectivement. Bon, en tout cas, on a eu pratiquement un début d'émeute. Enfin, c'était un désastre en termes de communication pour. Pour Macron, ça a été un désastre. Et ça a surtout été le début de la campagne pour le second tour. Et qui a été, à ma foi, à l'avantage de Marine Le Pen. Ah oui, très clairement, oui, ça a été un avantage très net. On l'avait beaucoup critiqué hein, sur sa campagne. Qui était nulle, parce qu'en fait, elle faisait une campagne de second tour. Bon, mais là, maintenant, c'est vrai qu'elle est bien rodée pour ce type de campagne-là. Et dès le lundi, c'est vrai qu'elle voilà, a très bien commencé. Bah, en fait, disons que sa campagne de premier tour, etc., enfin d'avant premier tour, en fait, n'était pas une campagne parce qu'elle a pas décidé de vouloir s'emparer d'initiative. Donc elle a décidé d'imposer aucun thème de campagne, elle a décidé de ne cliver personne. Donc c'est quelqu'un qui a fait fondamentalement sa présidentielle sur l'idée qu'elle serait au second tour. Oui, il n'y a pas eu d'énergie, on ne s'était pas... Non, mais même elle s'est dit, je n'ai pas besoin d'ameuter des gens sur mon nom au premier tour, puisque mécaniquement, statistiquement, arithmétiquement, j'y serais quoi qu'il arrive. Ouais, donc, c'était risqué. Quand même, hein. C'était très, très, très risqué. Et on l'a vu d'ailleurs, on l'a vu effectivement, ça s'est joué à un point près. On peut le dire, là on va y revenir d'ailleurs plus tard, avec s'il n'y avait pas eu Dupont-Aignan, Marine Le Pen ne serait pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Hein. Je crois qu'on peut le dire sans difficulté. Dupont-Aignan a pris, certes, un point ou deux au Front National, mais il en a pris probablement deux ou trois à François Fillon. Ouais. Voilà, donc on peut réfléchir sur l'équilibre, qui a pris à plus, mais fondamentalement c'est ça. Donc, elle a été assez inexistante dans sa première partie de campagne, avec des voyages que moi j'ai trouvé assez cocasses, bon, peu importe. Maintenant, le fait est qu'il n'y en a plus que deux, donc pour le coup, on ne peut plus tellement... les caméras sont de toute façon obligées de se braquer sur Marine Le Pen aussi. Ils ne peuvent pas faire comme si elle n'existait pas. Voilà. Et elle-même est obligée de dire des choses. Ça paraît un peu bizarre, mais elle est obligée de prendre des positions. Donc elle doit dire ce qu'elle pense. Alors, le passage sur l'usine de Whirlpool, bon, évidemment, ça a été du pain béni pour Marine Le Pen. Bon, les délocalisations, elle a pu parler de son protectionnisme, etc. Je ne vais pas arriver sur le fond du discours économique, puisque bon... Je crois pas que c'est intéressant. Enfin, je présume qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées, mais bon, c'est pas l'objet de l'émission pour ce coup. Bon, c'était du pain béni. Alors, le lendemain, Macron a dû réagir et il a fait un déplacement où ça ? À Sarcelles. Chez les Nègres. Chez les Nègres. Alors, là, alors il a dit un truc assez intéressant. Il a dit je suis venu à Sarcelles où Marine Le Pen ne peut pas mettre les pieds. Donc, en gros, c'était une réponse en disant en gros, ça voulait dire. Tu peux aller voir les ouvriers, moi je peux voir les bougnoules. C'est ça que ça voulait dire. Hein. Ça veut dire que moi je suis bienvenu chez les bougnoules. Toi, t'es bien avec les ouvriers. Quoi. Bon, chacun chez soi. Je me suis dit, c'est pas possible de faire un aveu aussi énorme, mais il l'a fait quand même. Et il était content. Il a tapé. Qu'il y a des zones de non-droit. C'est l'aveu de la zone de non-droit. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ce qu'elle a répondu d'ailleurs. Hein. Elle a dit, ouais, je peux pas y aller, mais les flics non plus, les pompiers non plus. Oui, puis il faut voir la clientèle, hein, je veux dire, c'est du nègre analphabète, il discute avec du nègre illettré, il est là, alors tu veux faire quoi dans la ville ? Oui, bah moi je veux travailler, bon, tu vois, c'est les débiles profonds de l'Afrique subsaharienne que la République française, dans son grand génie, a importé par millions, voilà, donc ça c'était la clientèle de Macron, il a dit, il faut bien voter, bien sûr. Il a tapé une fois dans un ballon, etc. Ils se sont dit, ça fait une image super, etc. Bon, vous en pensez ce que vous voulez. Si quelqu'un, avant que j'enchaîne, il n'y a rien de nouveau, je veux dire. Enfin, Hollande a fait le numéro déjà à Sarcelles en 2012. Enfin, la gauche le fait systématiquement. On sait très bien qu'il vote de toute façon quand il vote. Il vote pour le candidat de la gauche, pour les APL, pour la CAF et compagnie. Rien de nouveau, ouais, mais... 5%. Bah, ça fait du bien. Non, moi, je raisonne toujours en négatif. Je me dis, ça fait du bien au Front National. Parce qu'en fait, s'il n'y avait que la direction du Front National aujourd'hui, s'il n'y avait que les Philippot, s'il n'y avait que les Marine Le Pen, s'il n'y avait que ces chefs-là, ils seraient probablement en train d'envoyer des VRP dans ces zones à Bougnoul et à Nègre. Donc ça leur fait quand même beaucoup de bien de se voir expliquer par des Nègres, des Bougnoul et par la gauche que de toute façon, personne ne veut d'eux. Voilà, parce qu'il représente in fine quand même la classe moyenne, la classe ouvrière blanche. Tu vois. Alors je sais que ça peut faire du mal à certains dirigeants du Front National, mais n'empêche que c'est la vérité. Donc de ce côté-là, ce déplacement a cette vertu-là de contenir le Front National. Tu vois. Oui, ça serait bien qu'ils évitent à l'avenir hein, de faire des réunions banlieue patriote, mes couilles et compagnie, avec des Kamel Béchir qui sont mec qui est proche des frères musulmans. Et ce que les soutiens de Macron ne manquent pas de rappeler. Donc, C'est d'autant plus rigolo que Macron lui-même soutient à fond, et est soutenu par les frères musulmans. Est soutenu à fond. Ouais. Voilà. Ouais, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, il y a Mohamed Louizi, hein, vous pouvez taper ça sur Google ou sur Facebook, ancien des frères musulmans repentis, donc c'est un arabe, hein, plutôt d'un niveau intellectuel. Moyenne supérieure, on va dire. C'est pas, ça va pas être le gros boucac à mode énervé. Et qui a fait, qui allait voir un petit peu tous les soutiens d'En Marche et compagnie, d'Emmanuel Macron. Il a fait un dossier de 23 pages, vraiment intéressant, et que j'invite tout le monde à regarder. Ouais, donc ça rien d'étonnant. Mais donc voilà, donc il a été reçu sur place et tout par toute la bande des assos subventionnés. Ça rappelle un peu Teuluaka, hein, le nègre pseudo-sodomisé par la police, qui en fait est un escroc total, qui monte des assos pour toucher de l'argent public, etc. C'est un peu le même truc, là. Hein, D'ailleurs, l'association en question, là où il s'est rendu Macron, hein, c'est une association qui est financée par Dassault... Voilà. Pas mal de grandes boîtes du CAC 40. En fait. C'est le truc esprit, tu vois, pour que tu aies des nègres rigolards qui fassent bien ce qu'on leur dit de faire. Ils font souvent. Sodomie, oui. Négrification et corruption. Voilà. Oui, non, mais c'est-à-dire que oui, le blanc qui se pointe dans un quartier comme ça, de prime abord, il va se faire découper la machette. Mais si tu lui files quelques billets, il va sauter en rigolant. C'est ça. Dans les documentaires animaliers. Exactement. Par contre, quand tu le présentes à des ouvriers, très curieusement, l'accueil est beaucoup plus frais. Hein. Très curieusement, allez savoir pourquoi. Hein. En sachant que c'est bien l'argent des ouvriers en question qui finit dans les poches des nègres. Par la magie du politicien de gauche. Hein, voilà, si vous ne l'aviez pas compris, on vous l'explique. Une belle fable. Voilà, c'est assez magnifique. On a eu une prise de position, et vous allez voir où je vais en venir. Ça vient du gauchiste grec, Varoufakis, qui est, vous savez, ce ministre éphémère de l'économie et des finances de Tsipras, en Grèce, qui a joué un rôle au moment de la négociation de la dette grecque, quand vraiment la zone euro était très très très mal engagée. Alors je cite sa prise de position, « Après s'être affiché avec Arnaud Montebourg, ou encore Jean-Luc Mélenchon, l'ancien membre du gouvernement Tsipras, qui lutte désormais contre la désintégration de l'Union européenne, a demandé aux Français de lutter contre Marine Le Pen. Nous appelons à exprimer notre opposition catégorique à l'extrême droite en plaçant dans l'urne un bulletin de vote Emmanuel Macron, écrit Yanis Varoufakis dans une tribune publiée sur Mediapart le 28 avril. Donc Mediapart, le journal d'extrême gauche que vous connaissez bien. Nous sommes conscients des dangers que représente le programme d'Emmanuel Macron pour les équilibres sociaux, et nous sommes en profond désaccord avec son projet pour l'Europe et la zone euro, qui ne fera que prolonger en l'aggravant la situation désastreuse de l'Union européenne. Mais le Front National représente un tout autre danger, car il nourrit un projet antidémocratique et de régression sociale qui place l'inégalité entre les hommes en cœur de son programme. Voilà. Alors ça a retenu particulièrement mon attention sur toutes les prises de position. Et là encore, ça fait un peu le lien avec ce que je disais avec les nègres de Sarcelles. C'est-à-dire que si, malheureusement, on ne laissait que le Front National et ses dirigeants, si on les laissait livrer eux-mêmes, probablement ils navigueraient déjà dans les eaux du socialisme à cette heure. Mais grâce à une opposition gauchiste, marxiste, ou socialistes déterminés, ils se font rappeler quand même les origines de la motivation du vote en leur faveur de la part des électeurs. Et là, le truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est l'histoire de l'inégalité entre les hommes au cœur du programme du Front National. Alors évidemment, c'est une escroquerie, puisque le vote du Front National, enfin, y a pas, le programme du Front National ne parle pas du tout d'inégalité entre les hommes, ça n'existe pas. Ni dans la philosophie, ni dans rien. C'est qu'à aucun moment, il n'est question de remettre en cause les piliers de l'imposture socialiste, de l'imposture marxiste et de l'imposture de la plutocratie. Donc ça n'existe absolument pas. Mais, pour la gauche et la gauche radicale, la chose est entendue. Et je me suis dit, c'est intéressant quand même de voir qu'au final, il n'y a que deux camps, c'est pas nouveau, mais c'est intéressant de le voir en mouvement et de voir que ces gauchistes tapineront toujours pour la finance internationale parce qu'ils sont tellement, ils ont tellement la trouille de voir leur mythe égalitaire s'effondrer qu'ils sont, ils sont d'accord finalement de se taper n'importe quoi de la part de cette finance, de la part de ces spéculateurs, tout vaut mieux sauf la remise en ordre d'un État, d'un pays, du continent européen, par des valeurs qui sont hiérarchiques et des valeurs qui reposent sur une réalité organique. C'est ça qui est fascinant, vraiment, c'est même, le cœur du problème. Vaguement organique et vaguement hiérarchique, quoi, hein, parce que... Oui, mais c'est un refus catégorique. Et ils sont prêts à passer... Enfin, c'est quand même extraordinaire. Varoufakis, l'aile gauche de Tsipras, le type qui nous en faisait des tonnes, on va faire sauter la banque, on va machin, etc., qui tapine pour Macron, l'ancien de chez Rothschild, soutenu par toute la clique, en nous disant « Oui, mais quand même, l'inégalité entre les hommes. » Alors que la Grèce est envahie de bougnoules, de nègres, elle est en train de se faire déborder par les musulmans face à la Turquie, et on a ce trou du cul qui, par ailleurs, pète dans la soie, parce que c'est quelqu'un qui vit qui bénéficie d'un train de vie très confortable. On a ce trou du cul qui vient nous dire « Oui, mais quand même, l'inégalité entre les hommes. » Et ce Varoufakis, là, il a quand même un nez assez intéressant, je trouve. Non, il a une sale gueule, mais il n'est pas juif, non ? Je sais pas. Je sais pas du tout. L'appendice nasal est, ma foi, assez surprenant. Faut pas croire que tous les anti-blancs et tous les fils de pute sont juifs. Hein. Ouais, On a quand même une sacrée tripotée de notre côté. Hein. Oui, bah c'est pour ça que ce sont des marxistes. En tout cas, ce qui est très intéressant, vraiment, c'est en plus dans un pays comme la Grèce qui a vraiment subi une dépression économique massive qui s'est imposée le dernier des régimes c'est même pas de l'austérité, enfin eux ils se sont fait vraiment détruire par la finance internationale, quoi. De voir un mec comme ça se prostituer pour défendre le mythe de l'égalité, je trouve ça absolument extraordinaire. C'est fascinant. Nos auditeurs doivent vraiment avoir ça à l'esprit. C'est ce qui se passera en France. C'est ce qui se passerait en Allemagne. C'est ce qui se passerait partout. Partout. Varoufakis, c'est Mélenchon, quoi. Enfin, on dira plutôt Tsipras, c'est Mélenchon. Mais Varoufakis, c'est le social traître qui a baissé son froc comme une vulgaire carpette. Et qui après il faisait la couverture de Paris Match avec sa moto, quoi. Un peu en mode glamour, beau gosse. C'est vraiment une carpette à balayer, quoi. Bah, moi, je serais les mecs de Golden Dawn, un mec comme ça, tu le prends, t'en fais quelque chose, quoi, pour l'exemple. Voilà, mais je lance un message à ceux qui nous écoutent sur ce point très précis. Parce que la France arrive dans une situation critique. Elle n'a pas encore connu une dépression économique radicale. Elle s'y achemine, mais elle n'y est pas encore. Et donc, elle va avoir le choix entre Mélenchon et sa France insoumise, comme il appelle ça, Marine Le Pen, dont moi je pense qu'elle n'a pas ce qu'elle faut, mais ça c'est une opinion personnelle, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est pas le sujet. Et puis le centre, quoi, bon, Macron, peu importe. Et y a beaucoup de gens qui vont se dire, non, mais pour plein de raisons, qui vont voter Mélenchon, t'sais. Donc le communisme mou, pinardier, familial, genre voilà, ouais, Mélenchon, lui, il va défendre les prolétaires, toi, il va défendre les ouvriers, il va défendre les travailleurs, et surtout les RMistes. Non, parce que vous bâtissez rien là-dessus. En dernière instance, vous ne mobilisez un peuple pas sur la haine de classe. Vous mobilisez un peuple sur la totalité d'une nation. Au-delà des classes sociales, c'est quand vous arrivez à unir une communauté populaire que vous formez un effort national. C'est pas en opposant une classe contre une autre. Ça, c'est une vue de l'esprit. Et comment dirais-je, un escroc comme Mélenchon, d'ailleurs, n'hésitera jamais à vous lancer une guerre raciale sur le dos. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'hésiteront pas à exciter, comme la gauche en général, les clivages raciaux quand ça les intéresse. Donc, il faut bien avoir à l'idée que, quand Varoufakis parle comme ça, il faut lire un peu dans le Marthe Café et se dire, c'est ce qui va arriver en France. Vous aurez des gauchistes qui diront, attendez, moi je suis irréprochable, etc. Mais quand même, l'extrême droite, l'inégalitarisme, etc. Et vous n'en sortirez pas. C'est ça tout le truc, et je pense qu'on est au cœur du problème, là. On est au cœur du problème. C'est quand même marrant que la Grèce est aujourd'hui dans une sorte d'égalitarisme complètement fou, alors qu'en fait la civilisation grecque a brillé justement parce qu'elle était inégalitaire. C'est quand même assez incroyable ce retournement de situation. La Grèce va définitivement sortir de l'histoire parce qu'elle... elle accepte de se faire envahir par les Turcs, par les Turcs, par les... Alors c'est pas les Mèdes ou les Perses, hein, mais c'est toute la clique, la chiasse du continent indien, du tiers monde. Où sont les Spartiates, merde. Mais non, mais là t'as le phénomène du gauchisme et du socialisme. Là, c'est ce à quoi mène l'égalitarisme et la démocratie. La démocratie, c'est le plus petit dénominateur commun d'une masse. Ni plus ni moins. Le socialisme, c'est exactement la même chose. Le socialisme, c'est le plus petit dénominateur. Voilà. Donc ces gens-là, ils sont absolument d'accord. C'est la masse contre la race. Donc, selon que vous comprendrez vos intérêts, vous saurez où vous situez. Mais il faut bien comprendre qu'avec le socialisme et le marxisme, c'est une chute sans fin vers la médiocrité. Parce qu'on peut toujours être plus médiocre que la veille. Et c'est ça, c'est en cela que le propos de Varoufakis résonne beaucoup. Il dit bien, c'est ça qui est intéressant, c'est l'inégalitarisme au cœur du programme du Front National, qui n'existe pas par ailleurs. Oui, mais il dit bien, voilà, blague. C'est l'inégalitarisme. c'est juste une blague, hein. Honnêtement, le Front National, c'est un peu le PASOK français, hein, quand on regarde bien. J'ai pas parlé non plus sans raison de cette question sociale, raciale, de la question de l'inégalité. Parce que là, on a un exemple en direct, une expérience vécue, avec le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan. Où on a le cas, vraiment, j'allais dire, du couillon de droite molle, qui a respecté toutes les règles du jeu. Je veux dire, le mec, on peut pas lui reprocher de... pareil. Il n'est pas négationniste, il n'a pas fait de sortie raciste. Dans son programme, rien ne tranche particulièrement avec la doxa dominante. Bref, il est député, il a été à l'UMP, etc. Donc vraiment, c'est vraiment, j'allais dire, le gland mou, quoi. C'est vraiment le gland mou auquel on ne peut rien reprocher. Et il a décidé, du haut de ses 4 et quelques pourcents, 4,70 je crois, presque 5, de rallier Marine Le Pen, qui elle-même, à laquelle d'ailleurs on ne peut rien reprocher du même ordre. Hein. Et instantanément, en 24 heures, il n'a pas fallu même 24 heures, il a été ravalé au fascisme, au péténisme, au national-socialisme, je présume qu'il faut attendre encore un peu, et bientôt ça sera le génocide des juifs, d'abord avec les caciques de la droite. Voici ce que dit Gérard Larcher, hein, qui est président du Sénat. Voici ce qu'il dit. Vous ne pouvez le pas gros faire... Gérard Larcher. Oui, le gros sac à merde. Ouais. Vous ne pouvez faire référence au gaullisme pour rejoindre Marine Le Pen. C'est une imposture. Premier point. Hein. Vous ne pouvez pas faire référence au gaullisme pour rejoindre Marine Le Pen. Donc, Larcher le décrète. Alain Juppé. Non, c'est le titre de mon blog de ce matin. Il est long, mais il y a beaucoup à faire et dire pour conjurer la catastrophe qui s'annonce. Donc en réponse à la position de Dupont-Aignan, dans laquelle, évidemment, il est lui aussi renvoyé au diable fasciste. Bussereau a été beaucoup plus direct, hein, président, je crois, du Conseil Général, maintenant départemental de Charente-Maritime, ou quelque chose comme ça. Voici ce qu'il dit. « Soi-disant gaulliste, mais en réalité pétainiste, Dupont-Aignan doit être battu aux législatives et dans sa commune. Vrai collabo. » Vrai collabo. Donc ça, c'est pour les goy, hein. Donc les goy du parti gaulliste, ils le disent, c'est un collabo. C'est un collabo. Il a trahi le gaullisme, il n'y a rien qui va, c'est une imposture, etc. Alors, il n'y a pas qu'eux qui sont montés sur leurs grands chevaux. La tribu a décidé aussi de s'exprimer, hein, clairement. On a aussi les juifs. Bernard-Henri Lévy. Ce prétendu gaulliste était en réalité un authentique pétainiste. Encore une digue qui tombe. Intéressant, hein. Bussereau, Bernard-Henri Lévy, c'est pratiquement la même phraséologie. Hein. Pétainiste collabo. Pétainiste collabo. Et alors, entre-temps, d'autres personnages sont montés au créneau. Je cite Le Figaro. Si l'on connaissait déjà le langage coloré et les prises de position publiques de Mathieu Kassovitz, Benjamin Biolay ou Gilles Lellouche, ils ne sont pas en reste face aux leaders de Debout la France. Après l'annonce vendredi du ralliement de ce dernier à Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan s'est donc attiré les foudres du monde de la culture, entre guillemets. Avec un grand cul. Oui, avec un grand cul. Sur Instagram, Benjamin Biolay, bon lui il n'est pas juif, a posté une photo de Nicolas Dupont-Aignan accompagné de la légende « À tes risques et périls, tu vas le payer ». Lellouche a été extrêmement injurieux. Kassovitz lui a dit un truc par rapport à sa mère. Oui, je t'encule Thérèse, voilà. C'est-à-dire que quand Dupont-Aignan a annoncé qu'il allait porter plainte pour injure et diffamation contre Kassovitz et contre Lellouche, Kassovitz, avec une touche très communautaire, a répondu « Je t'encule Thérèse ». Et ce côté, comment dirais-je, ce côté grossier, vulgaire et très exhibitionniste, n'est-ce pas, est très culturel. Hein, c'est très, très, très, très, très culturel. Si vous connaissez un peu la littérature chez ces gens-là, c'est toujours comme ça, toujours sur le même ton, quoi. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dupont-Aignan, donc, est maintenant dans le camp du fascisme. Alors, c'est quand même bizarre, parce que c'est un gaulliste. C'est un gaulliste à la base, et maintenant, il est fasciste. Voilà, c'est terminé, fin du match. Ce qui est marrant, c'est que le ralliement de Dupont-Aignan, ça a été annoncé le jour même où l'autre... L'autre pitre est allé à Oradour-sur-Glane pour voilà, effectivement. Le fascisme, voilà, les heures du passé. Ouais. Nanana. Alors, il doit aller, je crois, au mémorial de la Shoah. Enfin, alors là, il fait le grand chelem. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout. Hein. Il y a la Shoah, le Binz, le truc. Il y a tout prévu. Et t'as raison de dire qu'il est parti à Oradour-sur-Glane. Je sais pas, qui a envie de s'exprimer là-dessus, là, sur ce... C'est frappant, c'est-à-dire que Marine Le Pen va à Whirlpool, chez les ouvriers, succès. Le lendemain, Macron, chez les bougnoules. Le surlendemain, Oradour-sur-Glane. Le sur-surlendemain, Mémorial de la Shoah. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Qu'il a qu'un seul argument, quoi. Si la campagne du second tour... Attendez, pas tout le monde en même temps. Derek. Si la campagne du second tour durait 3 semaines, on aurait Macron qui finirait partout interracial. Je sais pas, mais en tout cas, il serait peut-être à Yad Vashem. Ça, c'est possible. Fulbert. Ouais, bah, oui, Yad Vashem, il va peut-être y aller. Hein. C'est pas dit qu'il n'y aille pas la semaine prochaine. Hein. On prend les paris. Moi, j'y crois. Fulbert. À propos de ce qui a été dit tout à l'heure sur cette volonté juive de déposséder les peuples européens. Eh bien, on peut Macron finalement accède au même jeu, c'est-à-dire que pour Israël, les Juifs en général, c'est un jeu de, ce sont des maîtres chanteurs. Ils ont décidé de faire craquer vainqueurs vaincus du moment qu'ils sont blancs et européens, par exemple. Mais ça veut dire que Macron, dans le cas que vous citez, bah, Donc ces visites là, à gauche à droite, sur les mémoriaux, les différents mémoriaux, ben, il a accepté d'être celui qui promet aux Juifs de bientôt chanter, tout simplement. Pour moi, c'est central. Et la question de la culpabilité chez l'homme blanc, la question de la volonté chez l'homme blanc, et il y a des groupes parasitaires agressifs qui identifient clairement et d'instinct les faiblesses de l'homme blanc. Et les résultats de la Deuxième Guerre mondiale, indépendamment, et c'est ça qui est tout à fait intéressant, indépendamment du rôle joué par tel pays, tel groupe, telle tendance, on le voit avec Dupont-Aignan, on le voit avec Marine Le Pen, indépendamment de ce qu'ils disent, sont ravalés à la conclusion de 1945. Et on leur dit, et tu l'as bien expliqué, on leur dit, non, écoutez, messieurs, mesdames, vous êtes des gens qui devez payer. Vous êtes des gagneuses. Vous ne pouvez pas vous échapper de ce système-là. Vous devez payer pour nous. Nous sommes les maîtres, vous êtes les soumis. Si vous remettez ça en cause, vous êtes des fascistes. C'est ça qui est extraordinaire. C'est par un système assez complexe, assez élaboré, de guerre psychologique pour circonvenir l'Européen, qui a plus d'empathie, etc. Et on lui dit non, tu es coupable. Donc tu dois payer. Et l'Européen a mauvaise conscience. Et moi, ce que je veux dire là maintenant, et on est entre les deux tours, et vous remarquez, vous le voyez, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas un militant politique, même si vous n'êtes pas un fasciste, un nationaliste, un national-socialiste, si vous n'êtes pas un réactionnaire ou quoi que ce soit, vous vous rendez compte qu'en face de vous, vous avez des gens qui actionnent des leviers de la mauvaise conscience. C'est-à-dire qu'on vous dit, on vous fait avaler d'abord, en premier lieu, une culpabilité, on vous dit, voilà, vous êtes coupable, et deuxièmement, on vous dit, une fois que vous l'avez reconnu, maintenant, il faut expier cette culpabilité, enfin, un processus pour accepter la culpabilité, pour manager la culpabilité. Et là, ils vous disent, on l'a sous la main, il suffit de voter bien, il suffit de bien payer, et tout va aller mieux. Donc, tant que les Européens, les Français, accepteront d'avoir le cerveau lavé au nom de la culpabilité, accepteront de rester des esclaves, des êtres inférieurs, de ne pas aspirer à quelque chose de supérieur, tant qu'ils auront les épaules chargées de cette culpabilité qui les écrase, ils n'auront pas de futur. Et leurs enfants n'auront pas de futur. Et cette culpabilité prend plein de visages. Ça peut être la colonisation, ça peut être ce qu'on appelle l'Holocauste, ça peut être la Deuxième Guerre mondiale, etc. C'est quand je regarde l'homme européen, quand je regarde l'homme blanc, quand je regarde même le français, je vois un homme qui est chargé de culpabilité et qui n'a aucune espèce de volonté pour lui-même. Il est incapable de voir au-delà de sa situation, qui est une situation de réminiscence, de souffrance et de demande de compte. Et tant qu'on ne se débarrassera pas des parasites qui prospèrent sur cette faiblesse, jamais il pourrait y avoir de renouveau. Et il n'y a que deux chemins. Soit il se dresse et devient le maître de son destin, soit il accepte de capituler et il est l'esclave perpétuel de la pire engeance qui existe sur cette terre. Mais il n'y en a pas une troisième, quoi. Alors maintenant, si quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on conclue l'émission. Ouais, tu parles de devenir esclave, je pense que ça ira même encore plus loin que ça, tout simplement parce que la démographie aidant, hein, le ressentiment dû à l'histoire et façonné par la propagande fera que lorsque nous serons devenus véritablement minoritaires, hein, je ne parle pas de 50-50 du statu quo, mais qu'on sera devenu 35-30% des pays dans lesquels auparavant nous étions majoritaires, puisque chez nous, hein, autochtones de ces pays-là depuis plusieurs milliers d'années, les avons bâtis et compagnie, on sera relégué au rang de rien du tout, en fait, parce qu'on se fera buter. ça ira pas plus loin que ça. Donc il faut bien comprendre qu'effectivement, comme le dit Gandalf, c'est notre destin qui se joue actuellement, hein. C'est notre destin collectif, bien sûr, parce que malgré tout ce qui se passe, vous pouvez travailler, avoir une femme belle, des enfants intelligents, beaux, être en bonne santé, avoir de l'argent, ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous allez laisser, en fait, aux générations futures? C'est vraiment la question. D'autant plus que nous, les Blancs, nous avons conquis, entre guillemets, le monde, hein. Nous avons exploré, nous avons tout découvert, et in fine, il nous reste, on va dire, trois grands défis, en fait. Peut-être quatre, si on verra après. Il y a trois grands défis qui nous restent. La découverte, la cartographie entière, par exemple, la compréhension des océans. Sont les abîmes, hein, les abysses sont vraiment, par exemple, des univers incroyables, remplis de vie qui nous semblent vraiment ésotériques. Il y a la conquête spatiale, qui est aussi un défi majeur, hein. Alors là, c'est pour même la survie de l'humanité, on va dire. Mais, bien sûr, ce seront les Européens qui seront à l'avant-garde de tout ça. Et le troisième grand défi, c'est celui qui est le plus important dans le sens où sans celui-là, si on ne réussit pas celui-là, tout le reste ne pourra pas suivre. C'est bien évidemment la survie de notre race, la reconquête du pouvoir afin de nous permettre d'exister de façon pérenne en fait, et justement de pouvoir donner suite à ce que nos descendants seront capables de faire, à savoir justement cette conquête spatiale, cette exploration aussi des fonds, et cette peut-être compréhension de la vie en tant que telle et pourquoi pas repousser les limites de la mortalité, quoi. Voilà. Alors, ouais, je vois, toi tu proposes une solution en fait un petit peu. Ouais, une solution futuriste, ça existe, hein. Solution futuriste. Avant de faire un tour d'horizon vite fait, avant de se séparer, sur ce que pourrait être le deuxième tour. Je vais faire un peu le lien en fait entre les deux, entre ce que vient de dire Hopman, donc vraiment solution futuriste, on imagine, voilà, ok, en gros, on se projette par la technologie et on radicalise à fond là-dessus. Et en même temps, on a le QVC ici, sur cette terre, et on a des problèmes, des contingences. Moi, je me dis, avec Marine Le Pen, avec le Front National, et avec les mouvements populistes qu'on a en Europe, je pense que il y a deux choses qui font que c'est un échec intégral. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, parler d'échec, on est au deuxième tour, etc. En fait, si vous regardez le temps long, vous rendez compte qu'en fait, que les questions politiques, les questions d'État-nation, en fait, on offre très peu d'intérêt. C'est pas inexistant, on peut pas dire que ça n'a pas de rôle, mais c'est pas une solution, pour moi. C'est un avis personnel, hein. Évidemment, chacun aura son sentiment là-dessus. Mais la réaction de Marine Le Pen, la réaction du Front National, la réaction d'un Geert Wilders et des mouvements populistes en général, sont des mouvements qui ne peuvent pas réussir parce que ce ne sont pas des mouvements qui sont offensifs, c'est des mouvements défensifs. C'est profondément défensif. C'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'ils sont dominés et que les forces en face d'eux sont plus fortes qu'eux-mêmes. Bah, donc, ils partent du principe qu'ils ne peuvent pas contester les fondations du pouvoir de l'ennemi. Donc à partir de là... À aucun niveau. Ils considèrent qu'ils ne peuvent pas. Donc ils se disent, bah, écoutez, dans ce contexte-là, on va proposer une solution médiane, voilà, on va proposer de réduire les nuisances de telle ou telle chose. Et par exemple, sur l'Union Européenne, c'est particulièrement flagrant. Personnellement, je dis pas que l'euro c'est la panacée, mais je dis, écoutez, on a des empires continents aujourd'hui qui font la loi au plan mondial. Les États-Unis, un empire continent nord-américain, voilà, ça souffre pas le débat. La Russie, qui est un empire continent avec une population finalement pas très populeuse, hein, enfin c'est pas très peuplé, mais ils ont quand même... C'est no man's land, quoi. Oui, ils ont 140 millions d'habitants, mais ils sont placés stratégiquement, c'est-à-dire qu'ils sont en Asie, ils sont au pôle Nord, ils sont en Asie centrale, ils sont en Europe, ils sont un peu partout. On a la Chine, évidemment. Et l'Europe, qui, elle, pourrait être quelque chose, mais qui ne l'est pas parce qu'elle n'a pas la volonté. Encore une fois, toujours le problème des Européens, la volonté, quoi. Et alors on nous dit, bon, on a une Union européenne qui est catastrophique, je suis absolument d'accord, l'Union européenne qui est gouvernée par une case de technocrates, comment dirais-je, cosmopolites, inféodés à la finance internationale, qui repeuple le continent par des nègres, etc. Totalement d'accord. Il faut foutre ça en l'air, absolument d'accord. Mais qu'est-ce qu'on nous propose à la place? C'est quoi l'alternative? On dit, bah là, on va faire nos petits états nationaux, et puis ça va être vachement bien, parce qu'on va tout réagencer. Alors moi, je demande à Marine Le Pen, avant, vous allez... Bon, partons du principe que vous avez raison, vous allez réagencer. Qu'est-ce que vous allez réagencer? Vous vous rendez compte? Non, non, on garde les Africains, on garde les nègres, on garde les trucs. Quel modèle de société? Aucun modèle de société, absolument aucun souffle. Il n'y a aucune vision, il n'y a rien. C'est, on nous dit juste, on va modifier deux, trois notions administratives et politiques, et puis entre nous, on sera vachement mieux. Comme si la France n'avait pas déjà été rongé par la finance en 1914, comme si on n'avait pas utilisé la France contre l'Allemagne en 1914, comme si on n'avait pas utilisé l'Angleterre contre le continent en 1914, etc., etc. Je veux dire, c'est des questions qui ont déjà été posées sous Napoléon, je veux dire, quand même. C'est juste une rupture dans la marche, la marche d'ailleurs, Emmanuel Macron, c'est en marche, quoi. Voilà, c'est dans la progression, la progression de la logique du système, on va dire. Voilà. Donc, vous ne pouvez répondre à cette marche que par une contre-marche. Ce que Napoléon a compris. Ce qu'Hitler a compris. Hitler, au départ, est un nationaliste allemand extrêmement strict. Mais il s'est rendu compte, par le jeu dialectique du conflit dans lequel il est rentré, que la chose dépassait largement l'Allemagne, en fait. Et aujourd'hui... on évolue dans les mêmes termes, mais on n'a pas de réponse qui nous dise, voilà, on a un problème qui est européen. Je veux dire, regardez les populismes. Les populistes ne se passent pas le mot. Je veux dire, il n'y a pas les Hollandais qui viennent en France ou les Français qui vont en Hollande en disant, maintenant, il faut voter populiste. C'est-à-dire, on voit bien, ça passe même aux États-Unis avec Trump. On voit bien que la poussée vient des peuples. Donc on voit qu'il y a une unité, en fait, culturelle et politique du monde occidental. Mais on ne voit pas de solution politique unifiée. Et surtout pas une solution politique qui dépasse la situation actuelle. Donc, on tombe dans la réaction. On nous dit, voilà, on va retourner dans la France des années 60, ça va aller vachement mieux, De Gaulle, c'était tellement bien. Mais De Gaulle, d'une certaine façon, et sur certaines questions, était beaucoup plus futuriste que passéiste. Et on peut se dire que les succès de De Gaulle ont été assurés dans les domaines dans lesquels il a été efficace par sa capacité à allier passéisme et futurisme. Or, le Front National ne répond pas à ces questions, ni aucun mouvement populiste. Donc, moi je le dis tout de suite, le mouvement populiste, ça va être un échec. Ça ne peut être qu'un échec. Ça peut faire une halte dans les projets de la finance internationale, mais dans le destin de l'Europe, c'est pas une solution. Ça ne peut pas être une solution. Parce que moi je lis des trucs qui sont à dormir debout. C'est-à-dire, le Front National attire à lui des gens qui sont des ennemis de l'Europe. Quand je lis le juif sapir communiste s'associer au Front National ou Emmanuel Todd, un autre juif socialiste, dire du bien du Front National, c'est uniquement pour maudire l'Allemagne. On a toujours le même faisceau de fomenteurs de guerre derrière qui, eux, ont des vieilles rancunes à régler. C'est-à-dire que la seule réconciliation à avoir en France, c'est la réconciliation avec les Allemands. Bah oui, mais visiblement, c'est la seule qui a pas trop le vent en poupe. Ceci étant dit, ça exonère pas les Allemands de tout. Mais je veux dire par là, pour moi, c'est que quand je vois un mouvement comme le Front National qui dit « on va bazarder », enfin, ils mettent de l'eau dans leur pinard pour des raisons politiques, mais dire, on va bazarder l'Europe et on va bâtir la France, tu te dis « ouais, ça va être l'Europe avec les Africains, ça va être la francophonie, ça va être on va reconstituer l'empire colonial ». Hein, voilà, on sait très bien où ça va. Ouais, l'empire colonial sans les colonies. Sans les colonies, mais avec les colonisés. Voilà. Voilà. Donc, moi, c'est ça que je dis, je veux dire, et c'est pas pour dire du mal de Marine Le Pen pour le plaisir ou pour le Front National, c'est pas le sujet. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur une projection. On ne peut pas faire l'impasse sur une projection. Ouais, mais le peuple français, je ne crois pas qu'il soit vraiment prêt à ça. Non, je suis d'accord. Mais déjà, les Occidentaux en général. Hein. Oui, les Occidentaux en général. Mais déjà Marine Le Pen, c'est pas mal par rapport à la masse, que tu peux avoir au niveau du peuple. Tu te rends compte qu'il faut qu'il y ait des Dupont-Aignan à 4-5% qui viennent se rallier pour que les gens se disent ah ouais ben c'est quand même c'est pas si méchant que ça Marine Le Pen. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. C'est, on ce ralliement-là, mine de rien, on n'a pas trop parlé, mais ça, à mon avis, il peut y avoir un effet de levier quoi, par rapport aux électeurs de Fillon et avoir un score pas trop dégueulasse. Bah, justement, faisons un tour de table et ensuite on se sépare. Bon, vous connaissez mon opinion maintenant, chacun en pense ce qu'il veut. Deuxième tour, dans moins d'une semaine maintenant, il y aura le vote. Pour déterminer qui peut gagner. Bon, je pense, enfin, à titre personnel, je pense pas que Marine Le Pen puisse gagner, mais je sais pas ce que les autres en pensent. Je vais faire le tour de table, je vais commencer avec MacDav. MacDav, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce deuxième tour et qu'est-ce que tu entrevois comme résultat? Bah, écoute, moi j'étais très très déçu du résultat qu'a fait Marine au premier tour. Alors on a commenté vraiment à chaud de chez chaud, hein. C'est-à-dire qu'on a commenté en direct quasiment. Mais je pense qu'elle va faire un score assez honorable, parce que moi je le vois autour de moi, et comme je le dis, je vis dans une réserve de castor, et ça ne prend plus. Je veux dire, la propagande antiraciste de 2002, que j'ai connue, moi, comme adolescent, alors qu'à l'époque j'étais déjà pro-Le Pen et que c'était pas à la mode, ça ne passe plus du tout, vraiment. Donc Dupont-Aignan s'est rallié. Les macronistes vont s'abstenir pour une part non négligeable. Les républicains, pour les plus jeunes et les plus lucides, à mon avis, vont voter front, vont s'abstenir. Donc je pense qu'il est fort probable que Marine Le Pen fasse un très bon score entre 40 et 50, quoi. Enfin, entre 40 et 45. Enfin, je l'espère. J'espérais qu'elle fasse déjà plus au premier tour. Bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. D'accord. Bon, bah, j'enchaîne avec Captain America. Qu'est-ce que le deuxième tour, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu entrevois? Alors, écoute, je suis pas vraiment doué, moi, comme type pour faire des pronostics, donc je vais me taire là-dessus. En revanche, je tiens à dire que j'ai été agréablement surpris par la maîtrise des événements récents de Marine Le Pen. Hein, parce que je suis comme toi, en fait, je suis pas contre le FN et contre Marine Le Pen pour le plaisir. Donc, si elle peut passer, eh bien tant mieux. Si elle ne passe pas, mais qu'elle fait un score tout à fait honorable, que ça permet à des gens de se rallier à elle plus tard, c'est très bien aussi. De toute façon, je vais redire aux auditeurs ce que je redis à chaque fois. On ne peut pas compter sur les gros partis pour faire le travail de contre-propagande. C'est à nous de le faire. Que ça soit en trollant, que ce soit en parlant avec vos collègues, en parlant avec votre famille et compagnie. Et si vous êtes un fanboy de Marine, c'est comme ça que vous allez la faire gagner. Si vous êtes juste un mec ou une femme qui veut sauver les Européens et notre civilisation, c'est aussi comme ça qu'on va y arriver. Voilà. D'accord. Capitaliste, ce deuxième tour, hein, qu'est-ce que ça t'inspire? Ah bah, de toute façon, même le premier tour, il y avait plein de rebondissements. Là, chaque jour, c'est le vrai feuilleton. Hein. Mais il y a une très belle campagne de second tour pour Marine Le Pen. Macron renvoie des bonnes piques aussi. Je pense que j'ai pas d'avis. J'attends le débat de jeudi, je crois, c'est ça? Parce que Macron peut complètement être détruit au débat. C'est très dur à prévoir. Moi, j'attends le débat. Et puis, je suis assez cynique, moi. Donc, les présidentielles, c'est bien. Mais les législatives, c'est mieux. Parce que c'est là que t'empoches les millions d'euros pour le financement. Hein, donc. De toute façon, la politique, hein, c'est un combat sur 40 ans. Hein, donc, c'est en empochant 10 millions d'euros avec des législatives que tu peux avoir des armes pour convaincre la population. Moi, j'attends le débat, donc. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, c'est vrai que cette perspective du débat qui se profile. Fulbert, toi, tu es belge, tu vois ça de l'extérieur. En même temps, tu avais pointé du doigt, en fait, intéressant la semaine dernière en disant que, bon, même si c'était en France, il y avait un effet de capillarité, et c'est vrai que cette élection, enfin, j'ai le sentiment, moi c'est ce que j'en retire, j'ai l'impression que cette élection intéresse beaucoup l'étranger, hein, ça j'ai remarqué. Alors, qu'est-ce que tu penses? Ouais, pour être franc, comme tu l'as dit, bon, je suis belge, et je vois ça d'un point de vue de belge, c'est-à-dire que, d'abord, je lis, lorsque je vois un article qui paraît dans la presse belge, je ne les lis pas tous, loin de là, et je tape un petit coup d'œil quand même pour voir un petit peu de quoi il retourne. article lié aux élections, bien sûr, présidentielles. Et je vois une chose, c'est que la presse belge a complètement emballé, francophone, la presse belge francophone, je précise, a littéralement emballé la presse française, c'est-à-dire macroniste à fond la caisse. On invite le député des Français de Belgique pour venir exposer la situation. On invite aussi d'autres personnes qui sont des spécialistes, par exemple, de l'antifascisme, comme un Pascal Delwitte, qui est un youpin pur jus, etc., etc., etc. Mais là où il y a quelque chose d'étonnant, c'est dans la réaction à des articles qui sont commentés par les lecteurs. Et là, je vois, c'est incroyable la masse de gens qui sont heurtés par l'article, qui réagissent négativement par rapport à l'article, et donc favorablement à la candidature de Marine Le Pen. C'est plus que du 10 contre 1, ce qui est très favorable. Maintenant, il ne faut jamais perdre de vue une chose, c'est que si la Wallonie francophone ou Bruxelles, la Wallonie en particulier est une région qui est soviétisée, parce que fortement dominée par le PS belge, pas le PS wallon, il y a peut-être par-delà pas appartenance, mais cette tendance, il y a de la part des gens peut-être un début d'espoir et peut-être l'expression d'une certaine révolte. Parce qu'on sait que si une Marine Le Pen arrivait au pouvoir en France, ça va véritablement bousculer l'Europe, et croyez-moi, la Belgique va être la plus bousculée de toutes. Ça, vous pouvez en être certain. Parce que la Belgique, ce n'est pas un pays. C'est une région qui est administrée, qu'on soit flamand ou wallon, hein, c'est une région qui est administrée par des parasites qui ont, depuis longtemps, enfin depuis maintenant entre une 30-40 ans par là, trouvé le moyen de diviser la population, je l'ai déjà expliqué dans une émission précédente, qui ont trouvé le moyen de diviser la population pour l'empêcher d'arriver un jour, à la faveur des événements, de trouver une majorité nouvelle. Ça, ils se sont bien arrangés. Et je crois que les gens, s'ils n'en ont pas toujours vraiment conscience, parce que le niveau politique du citoyen belge n'est pas très élevé, comme partout, j'imagine, il y a quand même quelque chose qui travaille les esprits. D'abord, il y a le mécontentement général. Donc, je crois que ça ferait plaisir à beaucoup de gens, en tout cas dans la Belgique francophone, mais sans doute pas uniquement, de voir Marine Le Pen arriver. Ça, c'est sûr. Merci de cette analyse très intéressante. Fulbert Poporovic, ouais. Ton avis ? Je pense que Marie peut faire un bon score, 40 au-dessus, c'est tout à fait possible. Faut suivre, hein, parce que ça évolue de jour en jour. Capitaliste parlait du débat de non pas jeudi mais de mercredi. Effectivement, Macron, qui est pas un orateur terrible, c'est le moins qu'on puisse dire, peut vraiment se faire défoncer dans ce débat. Donc, moi, je vais suivre ça. Et puis bon, sinon, je crois qu'il faut aussi beaucoup regarder le troisième tour, hein, les législatives. Oui, ça, je pense qu'effectivement Macron risque de souffrir dans le débat, ça, c'est même sûr, je pense. Frédéric Danlévy, alors toi, de toute façon, les élections françaises ne t'intéressent pas au sens strict, c'est clair, ça t'intéresse pas. Ceci étant dit, t'as peut-être quelque chose à en... C'est pas tant que ça m'intéresse pas au sens strict, c'est que je n'en attends vraiment rien. C'est-à-dire, je pense que Marine Le Pen, de toute façon, va perdre. Que ça sera reparti pour 5 ans de caca bien épais et bien coloré, bien métissé. J'espère me tromper, hein, comme d'habitude, mais je ne pense pas. Je suis pas sûr qu'elle... Je me demande même si elle va percer déjà la barre des 30%, ça serait symbolique. Je me demande même si elle va arriver à faire ça, parce que Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas la mobilisation qu'il y avait au second tour de 2002, il n'y a pas toute la panique avec les manifestations dans la rue, enfin, pas encore, il y a encore un peu de temps, on ne sait pas. Je pense que je ne suis pas sûr que Macron... Enfin, on verra ce qui va se passer, mais on parle du débat. Moi, je ne vois pas de raison de la part de Macron d'accepter le débat. Ses opposants... Il a accepté. C'est sûr, oui, c'est signé, ouais. C'est réglé. Ah, oui. Je sais, bon, on va voir comment ça va se dérouler, ça va être intéressant. Parce qu'il y avait notamment, pendant la campagne de Trump, les débats avaient été lourdement influencés pour peser du côté d'Hillary Clinton. Donc on va voir, et Trump n'est pas du tout le même animal médiatique que Marine Le Pen, même si Marine Le Pen a ses bons côtés. Je ne sais pas si elle arriverait à se défendre contre une offensive caractérisée dans le cadre d'un débat présidentiel, parce que ce ne serait pas la même chose que d'habitude, forcément. Donc on va voir, mais bon, en tout cas, moi, je pense qu'elle va perdre. Je ne la vois pas faire plus de 51%. Je la vois difficilement arriver à 30, très difficilement arriver à 40. Bref, je n'en attends pas grand-chose. Je pense qu'on va être reparti. Ça va être une déception et qu'on va être reparti pour 5 ans de merde. Et que... voilà. Alors, est-ce que le Front National aura fait progresser sa cause? Oui, mais à quelle vitesse? Et quelle est l'échéance à laquelle... quel temps on a qui reste avant que l'explosion du nombre de nègres et de bougnoules et de roms et je ne sais quoi qui ont affilé des cartes d'électeurs de toute façon, parce que voilà, on n'a rien d'autre à foutre, devienne une... Enfin, ça inverse carrément la tendance, c'est-à-dire que le vote halogène, bougnoulique, afro-bougnoulique, etc., musulman même, puisqu'on on en a parlé, il y a des partis maintenant... des partis religieux, donc le parti musulman qui va se mettre en place, etc. Enfin, il y a des tentatives dans ce sens-là. Donc, combien de temps est-ce que les Français ont encore pour donner véritablement un gros score, si tant est qu'il est possible de le faire, à Marine Le Pen? Ne parlons même pas de gagner, parce que moi, je ne le vois pas arriver. Mais combien de temps est-ce qu'on a encore pour même lui donner un gros score avant que le balancier s'inverse et que, de toute façon, la submersion migratoire l'emporte sur le plan de... Enfin, sur l'échiquier démographique. Donc, voilà, hein, je ne sais pas vraiment... C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas plus que ça, parce que je ne vois pas ce qui va en ressortir de positif. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un dernier coup d'éclat, on va espérer, comme ça, « Ah, Marine Le Pen, 30, 35, 40 !» Et puis, en fait, en 2000... Alors là, on est en 2017, donc ça va être en 2022... On va commencer à se rendre compte qu'en fait, les Blancs sont juste en train de se faire submerger et que sur le plan purement numérique, ça ne marche plus. Donc, je suis modérément enthousiaste. C'est vrai que ce qui sera historique en 2022, c'est pas l'élection présidentielle, c'est le fait que la courbe de drépanocytose aura passé la barre des 50%. C'est ça qui sera historique en 2022. Bah en tout cas oui, par contre un des arguments intéressants c'est de au moins avec Marine Le Pen actuellement dans la configuration, c'est que la carte de la dédiabolisation aura été jouée à fond, la dédiabolisation jouée à fond, l'absence de négationnisme, de révisionnisme jouée à fond, donc la normalisation aura été jouée à fond. Ouais, ils ont trouvé un joker à la dernière minute quand même. Hein. C'est-à-dire? Bah sur le négationnisme, là, ils n'ont pas sorti un lapin du chapeau. Ouais, enfin, qui était un peu accidentel. Le truc avec Jalques. Voilà, mais enfin, qui datait d'il y a 17 ans en arrière. Bon, 17 ans, c'est quand même... Mais comment dire... Donc, pour le coup, on a l'expérimentation en direct et on va pouvoir le voir. C'est-à-dire que, bon, on ne pourra pas nous dire autre chose. Mais, je pense qu'on sait, enfin, on en est conscient, on ne peut pas faire de la politique... Enfin, pour moi, de toute façon, mon sentiment, on ne peut pas gouverner les masses en suivant les masses. Ça me paraît, à mon avis, il y a une contradiction dans les termes. Je ne vois pas comment on pourrait dominer les masses qui sont par définition gouvernées par l'approximation, les passions, les sentiments, les préjugés, contrairement à tout. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant, la lutte contre les préjugés. Il n'y a rien de plus guidé par les préjugés et les a priori qu'une masse, par définition. Et qu'est-ce que la démocratie si ce n'est le triomphe de la masse ? Donc, à mon sens, courir après la masse, c'est courir après un fantôme. C'est courir après quelque chose qui se montre et qui ne se montre pas. C'est quelque chose qui a un jour une conviction et un jour la conviction inverse. Donc c'est trop changeant pour être appréhendé. En revanche, une masse est impressionnée par la force, est impressionnée par quelque chose qui ne varie pas. À mon avis. Hein. Pour peu, évidemment, que ce soit fondé sur quelque chose de probant. Quoi. Et on va voir. Mais à mon avis, le Front National, c'est ce que tu disais, Frédéric, dans les villes, c'est qu'après avoir... Si quand bien même Marine Le Pen était élue sur les idées très diluées qui sont les siennes, moyennant beaucoup de compromis, elle ne pourrait pas gouverner. Parce qu'elle serait élue sur des idées qui ne sont pas les siennes, qui par ailleurs ont été partiellement compromises, faute d'une majorité, et à la moindre suspicion de dérive fasciste, elle serait remise en cause par les gens auxquels elle aurait admis la supériorité idéologique dont elle aurait accepté de reconnaître l'autorité. Donc ça me paraît complètement contradictoire, je veux dire. Tu ne peux pas prétendre vouloir le pouvoir si tu reconnais l'autorité d'une force qui t'est hostile. C'est quelque chose qui me paraît complètement aberrant. Donc, pour ces raisons pratiques, je pense que ce deuxième tour peut mettre beaucoup de bordel, en fait, politique, et ça c'est intéressant, ça a exploité, ça crée une crise, mais c'est pas la solution, quoi. Ça peut pas être une solution définitive en disant, voilà, à partir de maintenant, c'est bon. Je pense pas. Par contre, ouais, mais c'est un départ. Il n'y a pas de solution à l'état actuel. Qui propose des solutions ? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a même les conditions réunies pour qu'une solution émerge ? Non. Non, puisque la crise n'est pas encore complète. Bah oui, il n'est pas encore là. La seule chose qu'il peut y avoir à l'heure actuelle, donc, c'est un score, un bon score de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'il soit le double de ce qu'elle a fait. Quoi, hein. La seule chose qui peut se passer, c'est qu'un gros score augmente la légitimité du Front National et des idées du Front National. Oui. Mais le problème, ce qu'il faudrait, c'est qu'il puisse avoir une minorité de blocage à l'Assemblée nationale. C'est vrai, pour en parler tout à l'heure, c'est le troisième tour. Parce que s'il y a un bon score de Marine Le Pen et qu'au final, ça finit avec 3 ou 5 députés, bah là, c'est plus la peine. C'est carrément plus la peine. Bah là, il lorgne sur 40 députés. Mais imaginez qu'elle fait 40%. Ouais, non, mais 40, et qu'elle se retrouve avec 40 députés, mais imaginez-vous quoi. Si ça commence à approcher les 100 députés, alors après tu vas avoir les supporters de Mélenchon d'un côté, les Républicains de l'autre, et les Macronistes et les Socialistes, enfin, ça va être assez rigolo, ça me l'assure, je pense. Ouais. Ça va forcer tout ce petit monde à gouverner ensemble et au final à polariser. Et à refaire de la 5e République. Ça va être ingouvernable, et pendant ce temps, les bougnoules vont continuer à se multiplier. Hein. C'est tout ce qui va se passer. Hein. Ouais, mais plus la crise s'intensifie, plus c'est bon. Oui, voilà, plus la crise... Parce qu'il faut, avant de proposer quoi que ce soit, il faut d'abord décomposer complètement le système. Hein. Ça, c'est clair. Oui, j'ai envie de dire... Forcer les Républicains, le Macron, le PS et compagnie à se réunir et puis à faire front commun, pour le coup... ce qu'ils font déjà pour l'élection présidentielle, mais les forcer à faire pareil pendant pour gouverner la France pendant plusieurs années, c'est pas la même chose. Hein. Là, c'est plus intéressant. De toute façon, il faut précipiter la crise, selon moi. Pour moi, c'est le... Bon, chers amis, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, sinon on se sépare et on se retrouve la semaine prochaine. On aura du coup les résultats, hein. Pour le coup, en direct. Ce sera l'occasion de commenter. À la semaine prochaine, chers amis. Sigal Marine Le Pen. Salut tout le monde. Salut. Et quand je récapitule, je n'ai qu'un sentiment, c'est un immense regret. Regret que nous n'ayons pas réussi, que nous n'ayons pas pu créer ce monde européen qui était le maître de l'univers pour toujours, qui assurait à la race blanche la première des races, la grande domination de l'esprit. Et quand nous voyons ce qu'il y a en face, ce que 30 ans de victoire des autres ont donné, cette anarchie dans le monde, cette débandade du monde blanc,